Hey, salut tout le monde! Ici Sébastien Bouchard au micro et je suis crampé parce que ça fait à peu près une heure qu'on essaie d'enregistrer cette 17e, 15e, regarde, jusqu'à la fin, ça va être n'importe quoi, ce 15e épisode de Fun Regarder Films, le podcast. Ouais, c'est ça, beaucoup de problèmes techniques. C'est un show sous le thème de la marde, parce qu'on dit Skype de marde, Steven dit Chrome, Google Chrome de marde, Jeff dit que tantôt on était sur son micro de marde, mais Vicky a des beaux ongles, alors tout est correct. Puis j'en ai profité pour présenter tout le monde. Hey, ça s'est bien passé. Hey! Alors, hey, go, comment ça va tout le monde? 1, 2, 3, go! Ça va bien! Yeah! On était supposé d'enregistrer cet épisode de plus de bonne heure, mais non, il est rendu 1h30, une heure plus tard que prévu. Mais on a encore du monde sur le stream qui sont là. Puis Steven, quoi? Non, c'est parce que je viens de voir une photo de... Tu sais, les gens voulaient que Will Smith soit bleu, mais finalement, je pense que c'était mieux quand Will Smith était pas bleu. Pourquoi? Ah non, c'est vrai, ils ont sorti une photo de Will Smith bleu? C'est dégueulasse. C'est ridicule. Ah oh non, là on veut... Bon, les faits marchent pas, c'est ah non, beau. Oh wow! Oh. Ah t'as peur, je peux pas voir, je suis sûr. Oh wow! Ah. Ok, ben écoutez tout le monde, c'est probablement que pendant qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, de toute façon vous allez déjà l'avoir vu, mais... Où c'est quelque chose. Ben, Google-le. Fais Will Smith okay. Aladdin, c'est les premières choses que tu vas voir. Ben je peux écrire Will Smith bleu. Blue Will Smith, peut-être? Pepsi bleu, là, écoute. Oh, God! OK. Bon. Ouais, je l'aimais mieux pas bleu, sais-tu? Sur le chat. On dirait que son visage a été collé sur un autre corps. Ouais. Ah, c'est bizarre. c'est raté. Ah, oh, c'est une tia qui dit, ah, les internets, juste de la merde. En tout cas, on est là, fait que j'imagine qu'il n'y a pas juste de la merde sur l'internet, mais c'est ça. Faut faire le tri. Mais quand tu fais tout le tri, ben tu nous trouves. C'est ça qui est incroyable. Hey, gang, gros show ce soir. Petit show, je sais pas. Parce que moi, je me rush la première partie, puis après ça, je m'en vais parce que je suis semi en forme. J'ai passé une journée de marde, puis c'est ça. mais c'est ça, les collègues vont prendre la relève, ça va être incroyable. Puis on a même une toune de milieu d'épisode exprès pour cette thématique. Mais j'espère que vous allez apprécier quand même parce que ben, ça faisait longtemps qu'on n'était pas toutes les quatre, il me semble. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait fun. Bon. Hein. Ouais, hein, c'est fun ça. Puis ben, c'est ça, on a plein de choses à vous dire. Ben, tout d'abord. Merci aux nouveaux qui nous écoutent. J'avais comme oublié ça, que j'imagine qu'à chaque épisode, il y a des nouveaux qui nous écoutent. Puis, ben, envoyez-nous un petit shout-out quand vous commencez à écouter le podcast puis que vous aimez ça. On est comme habitué d'avoir certains noms qui sont toujours les mêmes. Puis, ben, c'est fun d'en découvrir des nouveaux, autant sur le live qu'en différé. C'est ça, puis... Dites-nous donc comment ça se fait que vous nous connaissez. Puis, ben, tant qu'à faire, profitez-en donc pour aller sur iTunes puis nous mettre un petit 5 étoiles. Puis, ça va toujours nous faire un grand plaisir de voir ça. Puis, ben, c'est ça. Une chose qui est probablement une des sources d'où ce que vous nous connaissez, c'est peut-être les concours parce que, bon, si on continue le thème de la merde, on en chie des concours. présentement, sur le site... on fait encore tirer des billets pour... qu'est-ce qu'il y a, Vicky? On a chié les concours, puis on fait tirer un film de merde ce soir! Ah, oh, ben là, ça dépend des goûts, mais je pense que oui. Oui, parce qu'on fait crier... Ben non, voyons, on est dans le champ, là, c'est parce que nos attentes étaient trop hautes. Ouais, c'est non, ça. Non, mais moi, j'étais super content de dire que là, n'est pas la question, mais c'est quand on l'a dit sur notre Facebook, tout le monde était comme « Arc, mais gardez-le, votre film! » Ouais, c'est la première fois que quand on fait tirer un Blu-ray, d'habitude, des Blu-ray, ça pogne. On a mis les participations sont incroyables, mais on dirait que là, le Blu-ray de Cloverfield Paradox, il n'y a personne qui le veut. Je suis quand même déçu. J'aurais quand même aimé ça, faire un concours qui fait plaisir au monde. Mais c'est ça, on en a deux à faire tirer. Puis c'est ce soir que ça se passe. Fait que si vous écoutez l'épisode en l'air, en différé, ben tant pis pour vous autres. Mais vous vérifierez quand même cette semaine sur la page. C'est peut-être déjà là pendant que vous écoutez l'épisode. Mais on fait tirer un laissez-passer double pour le nouveau film d'Astérix. et le secret de la potion magique qui nous a été remis par les films de Séville. J'en fais tirer un sur le site, puis un vendredi à ma chronique radio à Radio Énergie. Donc, vous surveillerez ça aussi. C'est ça, si vous êtes hors région, c'est sûr que Énergie vont vous dire « Venez le chercher », ça va être bizarre. Puis, ben là, c'est ça. J'ai reçu cette semaine le coffret Star Trek, les 10 films en Blu-ray. C'est les vieux films, là, Star Trek de 1979 à 2002, que c'est Star Trek Nemesis. Donc, on n'a pas les trois nouveaux, là, avec... qui donc? Chris Pine. Chris Pine, même. Zachary Quinto. C'est vraiment les vieux Star Trek en édition Blu-ray. J'en avais demandé deux. Un pour faire une critique du coffret, puis un pour un concours. Il m'en a envoyé juste un. Puis je suis pas plus fan de Star Trek qu'il faut dans la vie. Puis je me suis dit, je vais-tu vraiment me taper 10 films de Star Trek? Ce serait une belle façon de les découvrir. Mais j'ai-tu le temps de me taper 10 films de Star Trek? Non. On pourra demander à, je sais pas, JF, je pense que c'est un gros fan de Star Trek. Tu nous feras une critique des 10 films. Puis ce serait comme si on faisait une critique du coffret. Tu nous diras si la qualité d'image est bonne. Tu te l'imagineras. Mais non, c'est ça. Je cherche un moyen pour le faire tirer sur le site. C'est quand même un gros prix. Là. On est loin de... Ah oui, donc tu faire en shipping. Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux? En shipping. C'est ça. C'est pour ça qu'on a les Patreons qui m'aident. Tu m'as coupé, j'allais le dire. Ah, ben vas-y. C'est pour ça qu'on a des patrons. Vas-y. C'est pour ça qu'on prend des patrons. Parce qu'on peut tirer des beaux prix, mais ça coûte cher à Seb de toutes les envoyer par la poste. C'est ça. Alors, on a besoin d'un patron. Puis ben, ce mois-ci, c'est le renouvellement de l'adresse et du site web. Alors, c'est sûr que c'est des mois qui coûtent cher. Mais c'est ça. Donc, ben justement, on en profite pour remercier nos patrons qui sont déjà là. Merci à tous. Et merci plus spécialement à Véronique de Les Douces Folies de Nikki, à Patrick de Photographe VI2XP, ainsi qu'à Kevin Hood, qui était d'ailleurs sur le chat tantôt. Je ne sais pas s'il est encore là, mais merci à vous autres. C'est toujours le fun de savoir que vous êtes là pour nous encourager. Et merci à tous les autres. D'ailleurs, comme d'habitude, je mets un défi à ceux qui sont live de s'ajouter parmi nos Patreons. On vous annonce pendant le show. C'est déjà arrivé et ça fait toujours des belles surprises. Sur ce, est-ce que j'oublie si quelque chose? Ah, tu me permets un shout-out. Je suis fucking dedans ce soir. Un shout-out pour Véro, des 12 folies de Nikki. L'an dernier, elle faisait des listes pendant la Saint-Valentin pour des films écoutant Saint-Valentin. Je ne sais pas si elle va le faire encore cette année, mais vu que c'est un Patreon, un patron, j'aime ça, il a envoyé un peu la balle. Alors, les 12 folies de Nikki pour les fans de cinéma, oui, c'est un podcast qui parle de réalité sexuelle, mais ça peut être aussi un podcast qui nous fait découvrir des films. Alors, allez dans leur sur le site Internet ou sur leur fil RSS voir les anciens épisodes et vous allez trouver un des épisodes sur le cinéma aussi. D'accord. Hey, JF, oui, ben c'est ça. Oui. On se starte un autre concours. Ben oui. Oui, est-ce que tu veux le faire pour ceux qui sont live? Mais c'est pour... on l'ouvre à tous. On peut l'ouvrir à... Je sais pas. J'avais pas vraiment de plan avec ça. C'est juste... Si quelqu'un qui serait intéressé à voir ça, ben... À voir ça, tu peux te dire c'est quoi? Parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Ouais, c'est un t-shirt de fun de regarder des films. Vous avez peut-être déjà vu nos photos cet automne. J'en portais un. C'est un t-shirt avec notre logo pas notre logo de fun de regarder des films, mais il y a un micro, il y a une bobine de film, il y a une manette de jeux vidéo, puis c'est marqué « Gardez ça le fun ». Puis il est rouge, avec le mot « fun » en jaune, et c'est un small. J'avais reçu un small, puis je l'ai fait revenir. Comment, je t'avais fait demander un autre parce que moi je porte pas du small, je porte du large, fait que c'est ça. Ou, en tout cas, médium, peu importe, je me rappelle plus ce que j'ai commandé, mais c'est ça. Ben alors, il parle du large, assume-toi. C'est ça. J'en ai un qui me fait, puis ben lui, il est trop petit pour moi, fait que s'il y a une madame ou un petit monsieur qui aimerait ça l'avoir, ben j'aurais pris plaisir de m'en débarrasser. Parce qu'il est sous ma commode depuis un bout, puis il sert à rien, fait que c'est ça. Parfait. Ça serait commode de t'en débarrasser. C'est ça. Wow. Il était pas dans ma commode, il était dessus. Il était comme, il traîne là sur une pile d'autres affaires depuis un bout. Ça fait longtemps qu'on veut le faire tirer. On l'oublie ça. Tout le temps. Ouais. Bon, ben, écoutez, on va se commencer cet épisode-là. Oui. Yes! Puis c'est moi qui vais commencer parce que, c'est ça, comme je disais, je vais rusher un peu le début, mais je vais quitter puis je vais vous laisser. Ceux qui ont écouté ma chronique radio vendredi passé vont déjà connaître le film dont je vais vous parler. Et c'est Lego Movie 2 que je suis allé voir au cinéma jeudi passé. D'ailleurs, c'est ça, tous les vendredis matin, vous écouterez Radio Énergie 94.5 au Saguenay. Toujours la chronique cinéma qui est vraiment tripante à faire avec l'équipe du Boost. C'est vraiment le fun. Puis, c'est ça. Oui, Vicky, qu'y a-t-il? Le Lego Movie, le billet que tu laissais passer, c'était pour un cinéma au Saguenay? Hein? Mais tu faisais pas des billets, tu disais, dans ta prochaine chronique? Non, ben pas pour Lego Movie, pour Astérix. Oui, c'est ça, Astérix, mais c'est-tu juste au cinéma au Saguenay? C'est partout, mais c'est juste que Énergie Saguenay, quand ils font tirer un prix, ils font tirer au monde du Saguenay. OK, bon, j'étais pas sûr tantôt, puis là, vu que t'en reparlais, je dis, on leur parle de faire ça. Non, c'est ça. Ça va être, il va en avoir un sur le site, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça, Lego Movie 2. Encore écrit par le duo d'auteurs dont j'oublie le nom, Steven, tu s'en rappelles-tu par cœur? Non. Non? Hey, calmance! C'est toi qui es supposé avoir pris tes notes. Moi, je sais bien. Hey, avec tout ça, tu penses vraiment que j'ai eu le temps de me préparer? C'est Phil Christopher Miller et Phil Lord qui avaient réalisé le premier, mais là, c'est pas eux autres qui ont réalisé celui-là. C'est Mike Mitchell qui avait fait, entre autres, comme... je pense qu'il avait pas réalisé tant que ça. Oui, c'est ça. Il avait fait Les Trolls, il avait fait le film de Bob l'Éponge, il avait fait des Alvin et le Chipmunk, Shrek 4, il en avait fait une couple. Mais tu rien qui nous qui a jeté le monde par terre. Fait que là, c'était comme son premier gros, ce qu'on se dit, OK, man, attache ta tuque parce que t'as des grosses chaussures à mettre. Le premier Lego Movie avait été quand même quelque chose qui avait... Je pense qu'on avait tous aimé, ceux qui l'ont vu. Toi, Jeff, Steven, l'avais vu, Vicky? Ouais, ça a été un gros hit, ouais. Oui, j'adore. Ouais, ben là, oui. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, moi aussi. Puis, je m'étais gardé vierge pour aller voir le film parce que je voulais pas en trop en savoir. Et, quelle belle surprise! Dans le fond, Lego Movie 2 commence exactement où Lego Movie 1 s'arrête. Je vous dévoile un punch parce que j'ai pas le choix si je veux vous en faire la critique. Mais on apprenait à la fin de Lego Movie 1 que tout cet univers-là se passait aussi en parallèle dans le sous-sol d'une maison entre un père et un fils. Si je ne me trompe pas, le fils voulait créer avec les Lego, mais le père, lui, était plus du genre à dire « on suit les instructions, puis on colle ça ». On utilise du Kraggle! Du Kraggle, qui était du Crazy Glue. Puis on fait pas bouger les Lego, mais à la fin, bon, il se rendait compte que l'idée de son fils de juste laisser libre cours à son imagination, tout ça, et de jouer était la meilleure façon de faire. Et en disant ça, il va lui dire maintenant que tu as le droit de jouer, ta sœur aussi a le droit de jouer, ta petite sœur. Et arrivent les Duplo, qui sont des jouets d'enfants. Si vous vous rappelez, des genres de gros blocs avec des gros yeux. Et c'est là que notre histoire part. Les Duplo et tous les jouets de Lego pour enfants vont rentrer dans le monde des Lego et foutre le bordel. C'est clairement la grosse métaphore des deux enfants avec un plus jeune qui essaie de tout le temps détruire les jeux du plus vieux. Après 5 ans de jeu, toute la ville où se passait la première histoire est détruite et on est maintenant à Apocalypseburg. On dirait maintenant un monde à la Mad Max où ce que tout est poussiéreux, tout le monde est un peu amer de tout, puis sont tannés des envahisseurs qui viennent ils l'appellent le système solaire en français, ou en anglais c'était The Solar System ou The Sister Solem. En tout cas, c'est comme un jeu de mots sur la sœur. Dans le fond, toute la surprise du premier est vraiment, vraiment partie dans celui-là. Là. Faut que tu assumes vraiment que tu comprends qu'il y a tout cet univers-là externe parce que sinon, tu catches pas trop ce qui se passe. Puis si t'as pas vu le premier, le film essaie de te mettre un peu dans le bain au début, mais ça se fait vraiment vite, fait que t'es mieux d'être au courant un peu, parce que sinon tu vas te perdre. Les enfants vont peut-être réussir à en faire abstraction, mais toi en tant qu'adulte, t'essaies de mettre un peu les pièces du puzzle, puis de voir les références, puis des fois tu peux te perdre là-dedans, fait que t'es aussi bien d'être au courant de ce qui se passe. Puis c'est ça, ben dans le fond, on a plusieurs amis de notre héros du premier qui s'appelait Emmett qui se font capturer par une entité extraterrestre qui veut les amener au système solaire et qui, ben, dans le fond, Emmett va se construire un vaisseau et décider d'aller les sauver. Donc, on quitte le monde de Lego et on s'en va dans un autre univers. Donc, les différentes planètes du système solaire, on comprend que ça va être plein d'autres jouets de la gamme Lego qui vont être là. Donc, on va rencontrer plein de nouveaux personnages et des personnages qui sont animés de différentes façons. Parce que, bon, on est habitué dans le premier avec l'animation un peu carrée des Lego. Des personnages de Lego. Mais dans lui, on a des personnages un peu différents. On a, entre autres, j'oublie son nom en français. C'est un peu comme la vilaine du film. C'est la Queen Whatever. Oh, c'est dur à dire. C'est un jeu de mots. C'est Whatever Wannabe. Whatever Gonna Be. Wannabe. C'est, en plus, en français, c'est genre la reine tout ce que tu peux être. Quelque chose comme ça. Puis elle est faite que plein de blocs Lego. C'est pas une figurine, c'est plein de blocs Lego qui forment la reine. Alors, les blocs sont tout le temps en train de changer de place pour exprimer différentes facettes. Elle se construit des bras, oups, ses bras rentrent, elle n'a plus de bras. Elle se construit des jambes, elle devient une licorne, elle devient une grosse masse qui ressemble quasiment à un genre de Jabba the Hutt. Puis elle est tout le temps en train de se transformer. On dirait qu'il n'y a pas un frame où ce qui est fixe. Là. Elle est toujours en train de bouger, c'est vraiment débile. L'animation de ce personnage-là est trippant. On a encore les mêmes personnages que dans le premier, Emmett, sa collègue, ben, son amoureuse Lucie, on a encore Batman qui est fait par Will Arnett. On a le capitaine, le genre de pirate qui avait pas de jambes, on a le genre de chat qui est cute mais qui devient vilaine. C'est vraiment trippant parce qu'ils sont encore aussi drôles. Évidemment, dans le premier film, tout le monde avait trippé sur Batman. Fait que là, ils te le mettent un petit peu plus en avant-plan. Tu sais, ça reste qu'il avait eu son propre film. Puis le film est vraiment méta parce qu'il accuse ça, le fait que Batman a eu son propre film. Tu sais, il en est conscient qu'il a eu son propre film puis qu'il est le plus big de la gang. T'as même des gags sur le fait qu'il y a il y a eu des films de la Justice League parce que entre-temps, il y a eu des petits cours, des petits films de 30 minutes environ, des fois sur Netflix, on a ça, de la Justice League Lego. Puis, au début du film, la Justice League s'en va, tu sais. Puis, ils font comment, on s'en va, nous autres, oh! Puis là, tu fais comme, OK, ils s'en vont avoir leur propre film, ils peuvent pas être dans celui-là. C'est ça, c'est crissement méta. Le film avait réussi avec le premier à nous faire une toune catchy qui s'appelait Everything is Awesome, qui avait même été nominée aux Oscars, je pense. Avait-il été nominée aux Oscars comme meilleure toune? Il me semble que oui, je me souviens. Je me souviens plus c'était qui avait fait. C'était pas Lonely Island qui avait été l'interprété aux Oscars, une affaire de même. En tout cas. Oui. Puis dans ce film-là, évidemment, le film commence avec Everything is Awesome, mais il essaye de nous rendre d'autres tunes catchy. Et la barre était haute, puis ils ont réussi. Ils ont vraiment fait une bande sonore funny, funky. Évidemment, c'est de la pop, mais c'est trippant. Il y a une tune qui s'appelle The Catchy Song, puis le refrain, c'est « This song's gonna get inside your head. This song's gonna get inside your head. It's gonna get stuck inside your head. » Puis, tu sais, elle peut jouer... Je pense qu'elle joue pendant 5 minutes dans le film, puis là, t'es comme... Puis là, tes personnages sont comme « Non! Je suis capable de l'entendre! » T'as la chanson de présentation de la vilaine où ce qu'elle leur explique qu'elle est pas méchante, mais tout ce qu'elle fait, c'est dire des trucs avec pas devant, tu sais, genre, je suis pas vilaine, j'ai pas d'agenda caché, puis ils sont comme, t'es vraiment trop louche, là, tu sais, on n'est pas naïf, là, tu fais juste dire des mauvaises affaires en disant pas devant. Les tunes sont drôles, il y a une tune où ce que c'est juste sur Batman, puis la tune du générique est vraiment cool. Elle s'appelle Super Cool, d'ailleurs. Et c'est Lonely Island et Beck qui a fond. C'est vraiment, wow. Est vraiment catchy, la toune de la fin, le générique de fin. T'es accroché jusqu'à... Tu débarques pas. Il n'y a personne dans la salle qui est parti pendant le générique de fin. Tout le monde était scotché. Puis, t'as un autre qui s'appelle Everything's Not Awesome. Puis, ils reprennent finalement un peu. Puis, la retwist. Le film... réussit encore à faire son petit twist surprise avec la petite morale familiale. Ici, ben on se cachera pas, là, c'est les relations frères-sœurs qui sont mis de l'avant. T'sais, la sœur qui vient détruire les jouets du frère, puis tout ça. Les jouets sont mis en danger par l'armement Guedon. Qui est clairement la mère parce qu'il dit j'ai eu une vision, c'est l'Armageddon, on va tous tomber dans des boîtes noires puis on va disparaître à jamais. Fait que t'es sûr que tu fais comme bah, si les deux enfants continuent à chicaner, la mère va prendre les jouets puis serrer ça dans des boîtes puis vous jouerez plus. Tu revois ton enfant, tu fais comme ah shit. Fait que là tu sais, le film joue là-dessus, puis il y a même d'autres trucs que je vous dévoile pas, ça c'est les plus évidents, il y en a d'autres que c'est vraiment des surprises. Chris Pratt fait deux personnages en dedans. Il fait le personnage principal, puis il fait un autre qui s'appelle Rex Danger Vest. Puis c'est vraiment le personnage cool qui est comme trop. Il est trop awesome. Il est dans un vaisseau spatial en forme de poing, puis son équipage c'est des raptors. Écoute, c'est vraiment, c'est genre, c'est Chris Pratt qui joue Chris Pratt, là, tu sais. Il y a un peu plus, tu cherches Blue là-dedans, là, tu sais. Tu cherches le lien avec Jurassic World parce que c'est clair que, tu sais, il y a des insides là-dedans. C'est ça, le film est plein de références. Des jokes de Bruce Willis dans Die Hard que tu fais comme, voyons donc, il n'y a pas un enfant qui catch ça, mais toi, tu la ris puis tu tapes ses cuisses, c'est solide. Vraiment, ils ont réussi leur pari. Ils ont refait un deuxième film aussi trippant que le premier. J'ai vu des critiques dire qu'il était moins subtil que le premier. C'est sûr que tu sais la surprise est passée, là, fait qu'il fallait qu'il aille ailleurs. Puis ça reste un film pour enfants, fait que tu veux pas être trop subtil parce que sinon les enfants comprendront pas le message, tu sais. Peut-être moins contrôlé aussi, tu sais, peut-être que le premier aurait été moins subtil. Peut-être pas pour la finale, mais dans ses jokes. Mais ouais. Peut-être qu'il a été censuré, peut-être qu'il a été contrôlé, peut-être qu'ils ont passé à la table de réduction 4 fois. Fait qu'il je sais pas. Subtil parce qu'ils en ont mis moins. Là, ils ont fait hey, là, ça marchait. Tassez-vous, on sait ce qu'on fait. Ben écoute, je sais pas, mais tu sais, ça m'a pas dérangé parce que, évidemment, je suis en train d'aller voir un film pour enfants et que je m'attends pas à ce que ce soit l'intrigue la plus subtile avec genre une valeur de réécoute où est-ce que tu vas comprendre des choses. Non, tu veux que les enfants comprennent, tu sais. Sinon, l'autre défaut du film, c'est que j'ai trouvé que les séquences avec les vraies personnes sont vraiment à l'eau de rose dans celui-là. Okay. C'est du cliché gnagnant Hallmark là. Puis c'est surjoué, puis tu sais, ça aurait pu être retravaillé un peu, puis ça, les scènes auraient pu dire la même chose puis être mieux écrites. On dirait qu'à ce moment-là, tu sais, ça a été de l'écriture un peu paresseuse, mais c'est correct, tu sais, c'est peut-être 4 minutes dans tout le film, donc on s'en fout. Hein. C'est pas de ça qu'on retient. Puis ben évidemment, ben là, je vous cacherai pas, là. C'est une info pub pour Lego. Hein? Fait qu'on on se plaint pas. Mais c'est vraiment trippant. Moi, j'ai juste hâte de le revoir parce qu'évidemment, je suis allé voir au cinéma ici en français. Puis j'ai hâte de le revoir en anglais pour catcher les autres gags et voir un peu plus de nuances dans le jeu. Fait que, c'est ça. Ça, c'est pour Lego Movie 2. Puis, je vous parle de mon deuxième sujet tout de suite. Parce que, après ça, je vais y aller. Puis, je change un peu. Puis, d'habitude, on met ça à la fin de l'épisode. Mais là, on y va en début. On y va en début d'épisode. Je vais vous parler de 3 jeux de VR rapidement. J'ai reçu... là, Steven va être peut-être être plus intéressé. J'ai reçu 3 jeux de VR à critiquer, puis il fallait que je fasse des critiques écrites, puis là, je me suis dit, je suis pas capable de les amener écrites, fait qu'on va y aller en topo rapide sur le podcast. Le premier que je vais vous parler, c'est Afflicted de Manor. qui est un jeu Affected de Manor, qui est distribué par Fallen Planet Studio. Ils appellent ça des Walking Simulator. C'est que dans le fond, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est plus c'est pas un film interactif non plus, mais c'est plus que t'avances et il va se passer des choses et tu vas découvrir des... C'est un train fantôme. Ouais, c'est ça. Mais t'avances à ton rythme. Puis c'est carrément comme visiter une maison hantée. Le jeu, c'est ça, c'est avec ta réalité virtuelle disponible sur Steam et moi je l'ai essayé sur le PlayStation VR. Et tu commences, t'es dans la cour d'une maison qui a vraiment de l'air lugubre et tu rentres dans la maison, puis t'as le choix entre deux couloirs et t'en prends un, puis tu fais dans tes culottes. Puis vraiment, tu fais dans tes culottes, là, parce qu'on s'est entendu que quand tu te promènes d'une maison hantée dans un parc d'attractions ou peu importe, ben de un, t'es capable comme de voir des. Tu peux voir les ficelles, tu sais, de tout ça. C'est souvent cheap, tu sais. Oui, il y a des acteurs, mais tu fais comme c'est un acteur, tu sais. Il me sautera pas dessus, puis tu sais, il y aura pas de trucs surnaturels qui vont se passer, ça. Ils peuvent pas en faire du surnaturel. Mais là, t'es dans un VR. Fait que tout se peut. Tout se peut. Fait que s'ils décident que quelque chose vole devant toi, s'ils décident que quelque chose pète la vitre qui passe à côté de pendant que tu passes à côté, puis quelque chose qui rentre par la vitre, ça va se passer. Puis le jeu te le dit au début, là, si vous êtes du genre à pas triper sur les jumpscares, ne jouez pas à ce jeu-là. Parce que le jeu est foutu plein de jumpscares et... c'est vraiment, tu te promènes de salle en salle, puis mais je vous jure, promener, là, c'est que tu avances très tranquillement, puis quand tu sais que tu vas arriver sur un coin de couloir, tu te penches la tête pour aller voir ce qu'il y a dans le couloir, puis avant de rentrer dans une salle, tu regardes des deux côtés pour savoir où le mur, que je vais pouvoir me mettre dos au mur pour pas que quelque chose m'arrive dans le dos. J'ai... À mon premier jeu, tu sais, parce que ça dure à peu près 10-15 minutes, chacun des deux couloirs. J'ai pas été capable de finir la première fois. J'ai arrêté, j'ai enlevé le casque, j'ai fait comme non, j'ai trop la chienne. C'était vraiment freakant. J'étais arrivé dans une salle, les lumières flashaient, il y avait une petite fille bizarre qui avançait dans le couloir, puis à un moment donné, les lumières sont devenues toutes noires. Puis évidemment, quand ils ont rallumé, la petite fille était à deux pouces de ma face, puis elle criait, puis j'ai comme fait non! Tu sais, je me rappelle, là, je jouais, je regardais à terre, puis je fermais les yeux un petit peu, puis j'avançais doucement. C'est vraiment efficace. Tu sais, c'est pas le genre de jeu que vous allez rejouer, parce que, tu sais, évidemment, dès que c'est fait une fois, c'est fini. Mais ça coûte 5$ en spécial. Fait que si vous voulez vraiment pas faire freaker le monde autour de vous autres, ou ben freakez vous autres même parce que écoute, c'est efficace. C'est pas la durée. C'est à peu près une demi-heure. Si tu fais les deux passages, ça va durer à peu près une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure, si tu vas vite ou pas, là, tu sais. Moi, je prenais le temps de regarder chaque affaire, tu sais. Tu peux rien manipuler. Ouais, c'est parce que t'avais la chienne. J'avais la chienne, mais tu peux rien manipuler. Il n'y a pas de puzzle, rien. C'est vraiment tu t'avances, tu sais. Mais okay. Aussi, ce qui arrive, c'est que comme le jeu, les objets, c'est pas des objets manipulables, il n'y a pas de gameplay. Tout est fuck. Puis ils savent ça va être quoi ton parcours. Tout le processeur de la console est utilisé pour les graphiques. Fait que le jeu, il est clean. T'sais, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. T'sais, ils n'ont pas à gérer des monstres qui vont t'attaquer. Puis toi qui tires des balles, ben qui fesses. Fait que le jeu est un des plus clean que j'ai vu sur le PlayStation VR. Puis ça rajoute encore plus à son à son côté freak. Vraiment, c'est à essayer pour tout amateur d'horreur. Attendez qu'il tombe en spécial à 5$. Je vois pas pourquoi vous passeriez à côté de ça si vous voulez vraiment utiliser la VR pour avoir une petite frousse de temps en temps. Ça vaut vraiment la peine. Je vous parle sinon de Space Pirate Trainer. Un jeu de VR qui va faire penser au jeu de Galaga, les Space Invaders et tout ça. C'est simple, on a deux guns, un dans chaque main, puis on change le style de balle, donc une mitraillette, un shotgun, un laser, tout ça. Puis on est sur le bord d'une plateforme qui donne vers l'espace. Fait qu'on est carrément On est dans l'espace, puis on est sur le bord d'une plateforme. Puis en arrière de nous, il y a une base qu'il faut protéger. Puis apparaît des vagues d'ennemis, de vaisseaux, qui vont essayer de nous tirer dessus. Puis, faut survivre à ça. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est qu'on va s'amuser à changer de gun en gun. La petite twist qui est le fun, c'est qu'on peut changer notre gun pour un bouclier. Fait qu'on peut, on peut avoir un bouclier devant nous autres, puis carrément mettre un bouclier, puis passer notre main de l'autre bord du bouclier, puis tirer dans le vide. Parce que quand tu as le bouclier devant toi, tu vois mal ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que là, t'es comme... Tu tires, puis t'espères que t'es en train d'en tuer. Puis sinon, ton bouclier peut se transformer en lasso, puis tu t'attrapes les ennemis, puis t'es ramènes vers toi pour les smasher à terre, ou t'es tires, puis t'es amènes sur les autres ennemis pour balayer des ennemis ensemble. Ce qui fait très cool. T'es en train de dire que tu peux être Captain America puis Wonder Woman en même temps. À peu près. Okay. Tu peux utiliser même ton lasso parce qu'autour de toi, en arrière, il y a des tourelles. Fait que tu peux pogner ton lasso, tirer sa tourelle, puis ça va l'activer avant qu'elle va se mettre à tirer ses ennemis. puis, ça te fait vraiment bouger. Moi, honnêtement, après avoir fait mes deux, trois premières games pendant une demi-heure, j'avais mal aux cuisses. J'avais mal aux bras parce que je faisais des squats. Là. C'était carrément, là, je me mettais à genoux avec mon bouclier. Puis je tirais, fait que je me protégeais le plus possible. Là, je me remettais debout. Là, je retirais. Hop, je me remettais à genoux. Me virais de bord pour aller chercher mes. J'étais en train tout le temps de bouger. Fait que c'est vraiment trippant. C'est old school comme jeu. C'est le fun. T'sais, j'ai sorti ça quand j'ai voulu faire essayer la VR à des amis. Ils ont vraiment trippé. T'sais. On aurait joué un méchant bout avec ça. Puis encore une fois, c'est un jeu qui est pas cher. Puis il est super beau. Moi, j'ai vraiment trippé visuellement. Là. C'est High Illusions qui font ce jeu-là. T'sais, sur Steam en spécial, il revient une dizaine de piastres. D'après moi, sur le PlayStation Store, ça va être à peu près le même prix. C'est trippant. L'action est là. On est vraiment dedans. Les guns sont le fun à explorer puis à trouver. C'est quoi ta combinaison de guns préférée? Moi, c'était. Je tirais des genres de bombes, puis je décidais quand est-ce qu'ils explosaient dans l'espace. Fait que, tu sais, je voyais des ennemis ensemble tirer une bombe, puis là, quand elle était à côté d'eux autres, ben, pouf, t'as fait exploser. Puis, il y a eu des moments où j'ai sorti mes deux boucliers en même temps, puis j'étais juste comme, OK, je vais attendre que ça passe. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, le but du jeu, c'est de soit passer à travers toutes les vagues, ou il y a des modes où t'as des vagues à l'infini, puis tu vas essayer de battre ton score. C'est vraiment le fun. C'est le petit jeu que je sors souvent quand je finis une fin de soirée de VR, que je fais comme, je vais me faire un petit game ou deux avant de m'aller me coucher. Un petit game qui dure 5-10 minutes, puis après ça, hop, ça, tu passes à d'autres choses. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Sinon, autre jeu qui m'a fait suer, et là, c'est sué de chez sué, et c'est le jeu Creed, basé sur le film. Le film Creed qui est le une des suites de Rocky. Et le jeu, c'est carrément comment il s'appelle, Adonis Creed? Adonis Creed. Ouais. Creed, qui est le fils d'Apollo Creed. Bon, puis là, t'affrontes différentes personnes. Puis le jeu a plus ou moins d'histoire. Là. Si t'écoutes des fois, tu peux entendre une radio qui va te dire des éléments d'histoire, mais tu t'en fous. Le but, c'est que tu veux juste faire de la boxe de toute façon. La manière que ça se fonctionne, c'est que ton entraîneur, c'est Rocky. Fait que c'est cool parce que t'es face à face avec Sylvester Stallone de temps en temps. Puis avant chaque combat, tu vas faire un entraînement avec un montage. Un montage avec une toune qui fait carrément penser à Eye of the Tiger. C'est clair que tu fais comme... Ils n'ont pas eu les droits, là, mais c'est à ça, là, tu sais. Fait que là, c'est vraiment plein d'exercices qui te passent dans la face qu'il faut que tu fasses vite, vite, vite. Genre le punching bag, le tapis d'exercice. Tu kicks sur des ballons, puis tu te tasses quand ils reviennent. Puis là, tu vas avoir un genre de mannequin, puis il va falloir que tu fasses des combinaisons dessus. Puis, selon ta performance dans le montage, c'est ça qui va dire si t'es... Si t'as beaucoup d'endurance dans le combat ou pas. Fait que là, t'es dans le montage, puis tu fais juste comme... Tu te donnes comme un débile. Puis là, t'es même pas encore en train de faire le combat. Puis là, tu fais comme... OK, ça va. Et là, arrive le combat. Et là, c'est comme de la vraie boxe. T'es sur les rings, puis ton ennemi est à un demi-pied de toi, là, tu sais, parce que, bon, tu sais, c'est de la boxe, si tu veux, pour donner le réalisme, ben, tu sais, si tu veux avoir l'impression que ton poing se rend pour vrai, ben, il faut qu'il soit proche. Mais des fois, t'as des ennemis qui mesurent genre 6 pieds, puis moi, j'en mesure 5 pieds 5, là, tu sais. Fait que là, t'es comme, ah, mon Dieu, il me fait bien peur, lui, tu sais, c'est une grosse armoire à glace, puis là, il tape dessus, puis là, tout est comme, tu te protèges, puis... Puis c'est pas un punch-out, ce que le jeu te donne de la chance ou quoi que ce soit, là. Faut que tu apprennes les patterns des ennemis puis que tu sois capable de voir les coups. Mais tu sais, quand tu te font des coups au corps, si tu es en train de regarder le visage, tu vois rien venir. Tu es comme, voyons donc, je viens de manger un coup, tu sais. Et c'est pas trop long que l'adrénaline embarque puis ton corps, il fait comme, ah, je suis en danger, tu sais. Puis j'ai réussi à faire les deux premiers combats. Le troisième, il m'a ramassé par-dessus, ramassé par-dessus, ramassé. C'était débile. J'étais en sueur. J'avais mal aux jambes puis mal aux bras. J'ai eu mal aux bras puis aux jambes pendant 2 jours. Puis là, je me suis dit, OK, il va falloir que je me réchauffe avant de jouer à des jeux vidéo. Mais c'est ça, c'est vraiment trippant. T'as vraiment l'impression de faire de la boxe pour vrai, tu sais. Puis, je l'ai fait essayer à mon ami Fred, qui fait des capsules vidéo avec moi. Puis, lui, il fait de la boxe dans la vie. T'sais, il fait pas de la vraie boxe dans le sens qu'il va sur un ring pour se battre dans des combats, mais son entraînement à lui, c'est de la boxe. Il s'entraîne 2-3 fois par semaine à faire de la boxe pour le fun. Fait que là, quand j'y ai donné ça, je l'ai vu tout de suite se craquer, puis j'étais comme, oh, tabarnouche, lui, il va être solide, tu sais. Et là, il bloquait les coups, puis il donnait des coups, là, mais je me disais, il va tomber à terre, mort de fatigue. Et quand il a enlevé le casque, il avait les cheveux tremblants, t'es comme, OK, non, l'immersion était là, tu sais, j'ai dit, OK, tu t'es vraiment senti comme dans un vrai combat de boxe, et il fait, oui, j'étais vraiment là. Fait que c'est ça, le jeu est trippant. Quand tu te fais knocker à terre puis que tu te fais comme tomber dans les vents, pour te ramener, c'est comme si ton corps avait, ta tête avait sorti de ton corps, ton esprit avait sorti de ton corps. Fait que t'as comme un tunnel noir, puis au loin tu vois le ring, puis il faut que tu cours pour retourner vers le ring. Puis là, quand t'as réussi à retourner dans ton corps, ben tu te réveilles. Fait que là t'es comme, quand ça fait plusieurs fois que tu tombes là, puis que t'es vraiment commencé à être sonné. Tu cours. Puis là, t'es comme, je serais pas capable de me rendre avant le 10, avant le décompte jusqu'à 10. C'est débile. Puis là, t'as le mode histoire, mais ce qui est le fun, c'est que là, ils ont rajouté. Il y a un mode où ce que tu peux juste décider, je fais un combat pour le fun. Puis tu choisis ton boxeur. Fait que tu choisis qui tu veux être. Et là, ils ont sorti une expansion à la fin du mois de janvier avec tous les personnages connus des films de Rocky. Fait que tu peux être soit Rocky, Mr. T, tu peux jouer Apollo Creed, tu peux jouer le Drago. Russe, tu peux jouer Drago. Fait que c'est vraiment trippant, là. Fait que tu peux décider, moi je suis Rocky, puis je me prends comme Drago, puis envoie let's go. Puis c'est ça, le feeling est là, les personnages sont quand même bien rendus. Vraiment. Lui est un petit peu plus cher, mais c'est un jeu qui va toffer. Honnêtement, moi, depuis que j'ai AVR, là, c'est niaiseux, mais je joue plus bien à des jeux normaux. Je suis presque tout le temps sur la VR, je trippe comme un débile. J'essaie de voir. À un moment donné, c'est pas tannant, c'est ton esprit. Moi, j'ai de la misère après un bout à juste jouer à des jeux de VR parce que je finis par. Des fois, avoir un peu des petites nausées puis de la fatigue parce que. Je te dirais que de toute façon, ces temps-ci, j'ai pas le temps de jouer des longues périodes de jeu. Tu sais, j'ai du temps pour jouer une heure et quart, tu sais, puis après ça, c'est le temps d'aller me coucher de toute façon. Fait que c'est juste bien pour jouer à de la VR, mais oui, c'est sûr que ça m'est arrivé de dire, ah, oh, ouais, ça, je vais jouer à de la VR, puis après 2 heures, je fais comme, oh, ok, je me sens. Je me sens bizarre. Là. Ouais, c'est ça. Creed est quand même 30$. Il tombe en spécial des fois un petit peu moins cher. Mais pour la valeur de production puis pour le thrill de faire de la vraie boxe en VR, moi, j'ai eu du gros fun à jouer à ce jeu-là. Je le recommande à tous ceux qui chercheraient un bon jeu de VR là-dessus. Pascal Jacob qui dit... oui, c'est vrai, il a été témoin, il était là. Il m'a vu me faire ramasser. Puis il demande, Polly, es-tu dans le jeu? Ben non, puis c'est peut-être une bonne chose. Puis ben, il dit que lui... Ah ouais. Ouais, lui, il a un Oculus Go, puis il dit le problème, c'est que... la batterie dure 1 heure, ce qui est un peu plate. Mais c'est ça. C'était les trois jeux que je voulais vous jaser vite, vite, en vous finissant par un qui fait très, très cinéma. Mais si vous avez une PlayStation VR, Affected the Manor puis Space Pirate Trainer, c'est des achats aveugles. Allez-y, ça va vous coûter 15$ puis vous allez avoir deux excellents jeux. Creed, ben c'est sûr que si vous tripez pas box, laissez faire, mais sinon, si vous en cherchez un bon jeu qui va vous faire bouger, n'hésitez pas parce que vous allez triper solide. Puis c'est ça, ben c'est tout pour moi. Hey, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant... Ben c'est ça, j'ai parlé pendant 40 minutes, c'est ça. Mais là, je vous laisse la parole et je ne reviens plus. C'est ça, puis je vais aller rattraper cette journée de... Je vous laisse, je vous écoute, merci tout le monde, puis gardez ça le fun de mon bord. Bye bye, Seb. Vas-y, on va se battre pour l'animation. Hein? Vas-y, mon GF. Tu veux que j'aille? Ben oui, que j'anime ou que je parle? Les deux, t'animes. Puis tu parles. OK. Il y a comme un décalage dans tes réactions. Fait que je sens qu'il y a un décalage dans ma connexion. Ouais, même quand je regarde, quand tu parles, la bouche, je suis pas. Ah, c'est chiant ça. J'espère que ça ne fera pas comme il y a deux semaines, trois semaines. Quand j'ai parlé de Star Trek, là, c'était vraiment chiant. Non, le son il est bon, mais c'est juste que dans l'image, il y a un décalage, puis ça fait un genre de mindfuck quand tu regardes en même temps. Ah, OK. Ben en tout cas, ceux qui nous écoutent en MP3, ils ne sentiront pas ça, là. Ah, OK, c'est correct. Ça fait les yeux au ciel, puis après, ça fait... OK, le son est synchro, c'est bon. Cool, bon. Ben moi, je vais vous parler de Kidding. Je le montre à l'écran, je me vois même pas, je ne sais même pas si c'est correct. Deux secondes. Oh, la série Michel Grandy avec Jim Carrey. Ouais, ben c'est... Michel Gondry était producteur exécutif là-dessus, mais c'est créé par un gars qui s'appelle Dave Osteen. Je pensais que c'était lui qui avait créé la série. Ben, il réalise quand même 6 épisodes sur 10. OK. Fait que ça touche à là. Ouais, ça doit. C'est Dave Osteen qui a créé ça. C'est un auteur qui a écrit pour la série Weeds, entre autres. C'est ça met en vedette Jim Carrey dans le rôle d'un personnage à la Mr. Rogers. Il s'appelle Jeff Pickles. Ça fait genre 30 ans qu'il fait le même show de télé. C'est essentiellement ses passe-partout. C'est Mr. Rogers. C'est le gars qui a élevé vos enfants puis qui vous a élevé vous-même aussi. Toute une génération, deux, trois générations là, qui ont été élevées par lui. Puis dans le fond, il vit quelque chose de vraiment dramatique. Puis c'est pas vraiment un spoiler, si je le dis, parce que c'est dans le premier épisode, mais lui, il a deux fils jumeaux, puis il y en a un des deux qui est décédé dans un accident de voiture. Fait que c'est ça. C'est tout son drame, puis ça, dans le fond, essentiellement, ce qu'il vit, c'est une dépression nerveuse. Puis c'est un peu ce qu'on va suivre pendant 10 épisodes. C'est ce gars-là qui doit être attentif envers les enfants et joyeux et souriant et tout ça dans son émission, qui vit quelque chose d'extrêmement dramatique et dur. Puis qu'en même temps, il essaie de changer un peu les choses parce que son père, qui est joué par Frank Langella, est comme le producteur de son show, puis c'est lui qui prend les décisions finales. Puis le Jeff Pickles essaie de changer les choses suite à la décès de son fils. Il essaie de faire comme par exemple un épisode sur la mort, mais son père veut pas. Il a dit les enfants sont pas prêts à écouter ça, puis il s'ostine là-dessus. Et c'est ça. Puis Jeff Pickles, il a une tendance aussi à être violent dans certains moments. Des fois, il explose. Puis ça arrive des fois. Tu t'y attends pas en tout en tant que spectateur. Ok, tabarnak, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Puis tu sais, c'est vraiment surprenant parce que une seconde, il est super gentil avec les enfants, puis deux secondes en privé, il fait quelque chose de vraiment débile. Là. Puis il y a un petit côté imprévisible et explosif qui est intéressant. Puis on joue tout le temps sur ces deux tons-là, dans le fond. Il y a de la comédie, il y a de la tendresse et tout ça. Puis il y a un côté vraiment très dur, très poignant et très explosif. Puis. Étonnant, tu sais, des fois, il y a des scènes qui te sortent de nulle part ou qui. Pas que ça sort de nulle part, genre gratuit dans le scénario, au contraire, c'est pas gratuit, mais qui te surprennent, qui vraiment que tu fais. Tu mets la main devant la bouche, tu fais oh tabarnak, tu sais, c'est comme. Ils sont allés là, tu sais. Puis, j'aime beaucoup Jim Carrey là-dedans, je trouve qu'il disparaît dans le rôle parce que tout le long de la série, je pense pas que c'est Jim Carrey, je l'oublie même que c'est Jim Carrey, tu sais, c'est. Et puis, on n'y pense pas tout le temps nécessairement en tant que on pense surtout à Jim Carrey depuis 20-25 ans comme le gars qui fait des grimaces, mais c'est un bon acteur, c'est un très bon acteur. Puis, dans le drame, il est excellent. Puis, je trouve qu'il déploie tout son talent là-dedans. Puis, il est entouré d'un cast incroyable avec Catherine Keener, Frank Langella. Qui d'autre aussi? Il y a Justin Kirk qui jouait dans Weeds. Il y a plein de bons acteurs là-dedans. C'est ça. Puis t'as plein de marionnettes aussi autour de lui. T'as un gars qui fait un show de plein de marionnettes. Fait que ses marionnettes sont là. Ils ont des personnalités puis sont très intéressantes aussi. En tout cas, non, c'est vraiment un show coloré, le fun et en même temps extrêmement triste, qui te fait réfléchir sur la mortalité, le deuil, les relations familiales, les relations père et fils, les relations enfants-parents. Et la réalisation est super, super, super bonne. Comme je disais, il y a 6 épisodes sur 10 qui sont réalisés par Michel Gondry. Tu en as, juste vérifier, j'avais la page il y a 2 secondes. Tu en as deux ou trois qui sont réalisés par Jake. Schreier, je sais pas trop, mais c'est le gars qui avait réalisé le film Frank and Robot. Et tu as deux épisodes réalisés par Minky Spiro, qui est une réalisatrice qui a travaillé sur Call the Midwife puis Downton Abbey, entre autres. Oui, excuse. T'as-tu des moments un petit peu plus abstraits puis pétés visuellement qu'on est habitué avec Gondry, ouais? Oui, peut-être pas au niveau de certains de au niveau de ses films, mais quand même, il y a des moments intéressants, il y a des moments OK. visuellement intéressants. Puis, tu sais, ah, j'aime beaucoup aussi juste le générique de début, juste la manière qu'ils écrivent le titre à chaque épisode, c'est différent, puis c'est fait avec l'animation stop motion, puis des bricolages, puis trucs, parce que c'est super beau. J'avais vu un making-of qui montrait une séquence en plan séquence, comment il faisait pour faire défiler le temps avec les objets qui changent alentour de la pièce. Puis j'étais comme, waouh, Oui, c'est hot, ça fait les fantastique. gros Ouais. principes. Une espèce de plan séquence, là, mais Ouais. en tant qu'un chien, je pense, impliqué, là, c'était vraiment. Ouais, ouais, ouais. Oh, oui, la scène est vraiment impressionnante. Puis le truc que tu parles est sur le making-of dans les extras. Puis, ah non, c'est impressionnant cette scène-là. Il faut que tu le regardes plusieurs fois. Tu fais tabarnak, ils ont. Je m'excuse mon langage à soi, mais c'est ça. C'est Christy, ils ont vraiment. Faut que ça soit C'est synchro, là. cool. Oh, oui, c'est fou, là. Puis tu entends la femme qui dit OK, chien, OK, toi, tu vas ci, tu fais ça, tu sais. Puis, en tout cas, c'est débile. Alors, au début, j'avais pris 2 ou 3 épisodes embarqués, puis après ça, j'ai fait OK, là, c'est quatrième, cinquième, là, j'étais de plus en plus dedans, là, puis il y a une couple de scènes, dans le cinquième ou dans le sixième, il y a une scène en particulier avec des marionnettes que j'ai vraiment. Mon cœur était tout gonflé, je suis comme oh, que c'est beau, cette scène-là, tu sais. Puis les 2 ou 3 derniers épisodes, c'était super, j'ai vraiment Ça, c'est aimé. l'amateur de Jim Henson en toi, là, Ouais. que Ben, de marionnettes en général, j'en ai manipulé un peu dans ma vie, puis c'est très le fun. Puis c'est ça, je suis juste dommage qu'il soit pas en Blu-ray. Je pense qu'il est jamais, il est pas sorti en Blu-ray. Puis je pense que c'est pas le premier show de Showtime que je jouais qui sort pas en Blu-ray au Canada. Fait que je trouve ça dole. C'est parce que visuellement c'est magique ce show-là. Je pense qu'il bénéficierait beaucoup d'un traitement HD. Puis à la télé c'est passé en HD, je pense. Fait que je veux dire, mais c'est beau pareil là. Tu sais, ça s'écoute très bien pareil. Puis je serais content qu'on l'ait reçu, que Showtime nous l'ait envoyé. C'est chiant C'est ça. pareil. T'sais. Je veux dire, il y a plusieurs séries, comme tu dis, au Ben, Québec, Canada, The Handmaid's Tale, la Servante écarlate, c'est pas en Blu-ray. Moi, je les ai fait commander d'Amazon.com, mes coffrets Blu-ray de Handmaid's Tale. Ben, j'ai acheté ma deuxième saison de la série de Sinner, puis encore une fois, c'est juste en DVD. Il faudrait que je vérifie si une édition Je comprends Blu-ray. Je sais pas pourquoi. pas. T'sais, je veux dire. Je comprends pas la stratégie de marketing. Tu sais, je comprends que le format DVD est pas en train de mourir, qui est toujours aussi fonctionnel, les gens achètent, mais je veux dire, le Blu-ray s'est rendu autant quotidien que le DVD, fait que je trouve ça dommage. Peut-être parce que ça coûte moins cher à faire, puis qu'ils se disent, bah, tout le monde est sur le streaming anyway, fait que, on fait une copie physique juste pour ceux qui veulent, puis, mais Ah, tu puis sais, des on fois, se c'est donne juste que ça pas. sort plus tard aussi, c'est ça qui est Ouais, plate. ouais. Là, tu l'as acheté en DVD, puis là, tu as envie de l'avoir en Blu-ray, vu que tu l'as vraiment aimé, fait que tu vas le racheter une deuxième fois. C'est Oui, ça. mais justement, ils font peut-être leur argent avec le DVD, puis ils savent qu'ils vont peut-être le racheter. Fait que... Ah, ben là, c'est des petits crises rendus là. Ouais. Ouais. Mais c'est comme une carte d'identité, là. Genre, t'en achètes, fait qu'on fait un peu d'argent parce qu'on les a vendus d'avance, puis On sait combien. Tu sais, mettons que tu fais une série, là. Je parle de conspiration, OK? La Terre est plate. Mais mettons que tu fais une série, tu dis, je vais en tirer 20 000 DVD, puis t'en vends 10 000. Bon, tu sais que je peux en faire juste 5 000 Blu-ray. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est peut-être un test aussi. Oui, peut-être. Mais c'est ça. Et puis, je vais juste finir en disant, je sais pas, je me rappelle plus qui l'a gagné au dernier épisode, l'autre coffret, mais je sais pas, je serais curieux de savoir qu'est-ce que cette personne-là en a pensé, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, il y a une deuxième saison qui s'en vient. Fait que je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis très curieux de savoir où ça s'en va. Ça se finit sur un genre de cliffhanger assez impressionnant. Fait que je suis très curieux. Les shows de Showtime ont-ils l'habitude de se retrouver sur Netflix ou pas vraiment? Non, c'est un peu. C'est-tu sur Crave? HBO, ouais. C'est sur Crave. Je pense que Showtime aussi, c'est sur Crave. Ok. Je pense que aussi, oui. Ouais. Puis Crave, c'est 10$ par mois, je pense, au Canada. Ouais. Ben là, avec Criterion qui s'en vient aussi, ça risque d'être mon troisième majeur. Ouais. Moi, tu, je pense que je vais aller avec Criterion. Il me tente pas mal, celle-là. Ben, j'ai pris le truc gratuit, là. En ce moment, on peut déjà en profiter un petit peu, mais on a un film par semaine, là, qui est pris. Ouais, c'est quand même cool. Ah, tu vas l'apprendre, ben, peut-être l'apprendre aux gens? Ouais, ben, c'est ça, c'est Criterion Channel. Puis tu t'abonnes, puis dans le fond, tu vas avoir un mois. Je pense que ça, quand le service va être en ligne, tu vas avoir un mois gratuit, si je comprends bien. Mais en ce moment, tu peux déjà en profiter. Tu as un film par semaine qui est pré-choisi, qui est imposé, là. Comme cette semaine, c'est Chungking Express. La semaine passée, c'était un film avec Peter Fox, c'était Mickey and je sais plus trop quoi, là, Mickey and Larry, quelque chose comme ça. Là. Et cette semaine, c'est Chungking Express. Puis, c'est gratuit ou il y a un... C'est gratuit, là, c'est gratuit. Puis après ça, quand ça va être payant, ça va, je pense, c'est 10$ par mois. Là. Mais avec une sélection de malades. Oh, ouais, c'est ça, ça va être critérium. Ben oui, la sélection de critérium, ben oui. C'est fou. Ouais. Je ne sais pas si ça va vraiment être à jour par rapport aux sorties qui arrivent à chaque mois. Tu sais, on a tout le temps des nouveaux Criterion. Fait que je ne sais pas s'ils vont vraiment updater. Là. Mais écoute, c'est le genre de plateforme où tu n'as pas vraiment de mauvais films. Il y a peut-être des films qui vont moins t'intéresser, mais globalement, ce sont des chefs-d'œuvre ou des films qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Fait que tu ne peux pas te tromper avec une plateforme comme ça. Tu en as pour tous les goûts. Là. C'est ça qui est le fun, c'est varié. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça start au mois d'avril, je pense, au mois de mars. Dans vraiment pas long, ça s'est déroulé beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'on pensait. Hein, quand au départ, ça avait tombé en l'eau, c'est revenu. Puis là, même pas 2 jours après que ça dit « abonnez-vous si vous voulez vraiment ça », puis vous allez avoir un rabais. Puis là, après, ça annonce que oui, ça va arriver. Encore une fois, il espère peut-être avoir 20 000 abonnements pour dire que ça en intéresse 17 000. Non, mais tu sais, ils savent déjà que crime tous les amateurs de... N'importe quoi, Steve. Je fais juste compter avec ma théorie de tchou, on met d'avance pour voir combien de gens ça l'intéresse. Pascal, probablement que les Bergman vont être là, mais tu sais, déjà en partant, il est supposé avoir au-dessus de 1000 titres là-dessus. Fait que c'est fort probable que ça soit ben, dessus. Tu sais, j'y vois de mes connaissances, OK? Ça se peut que je dise n'importe quoi. Mais au Canada, il y a 2 critérions. Il y a le critérion que tout le monde connaît, puis il y a quelque chose qui s'appelle la licence critérion. La licence Criterion, c'est pour des projections publiques, OK? Et si c'est la licence Criterion qu'ils ont mis sur le site, puis ça, je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Mais si c'est la licence, c'est que ça va mettre beaucoup, beaucoup de studios. Fait que oui, il va y avoir... Si tu dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de films, ça serait logique si c'est la licence Criterion qui a été mise à jour et non, tu sais, comme quand tu achètes un film, c'est Criterion, c'est 2 choses. C'est 2 catalogues qui se recoupent. OK. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Mettons au Canada, là, tu veux projeter un film dans un lieu public, OK? Ça veut dire n'importe quoi qui n'est pas ta maison. Okay? Tu veux projeter un film dans un lieu public. Au Canada, tu as 2 grosses boîtes puis à peu près 3 petites boîtes privées. Les 2 grosses, tu as ACF puis Criterion. Puis ça représente à peu près 98% du catalogue existant. Tous les films vont passer par un des deux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au Canada. Fait que Criterion, c'est plus que juste les films qu'on connaît qui s'appellent Criterion. Il y a une licence Criterion. Puis, tu sais, les films Mongrel, là? Oui. Bon, mais ça, c'est une licence Criterion qui distribue les films Mongrel. OK. Fait que les films Mongrel pourraient être sur le site si on était cherché la licence Criterion et pas juste le distributeur Criterion. Mais ça, je sais pas. Ça. C'est compliqué, hein? Je suis désolée. Non, c'est pas compliqué, c'est juste on n'a pas les réponses à ça. Ben, non, c'est ça. Mettons, Disney, c'est ACF. Si n'importe qui au Canada veut faire une projection publique de Disney, il n'appelle pas Disney, il appelle ACF. OK. Fait que c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont obtenu. C'est juste ça. Fait que peut-être ça répond à la question dans le sens où oui, peut-être que s'ils sont allés chercher la licence Criterion, ils vont avoir encore plus de titres qu'on peut imaginer. Peut-être. La majorité des films québécois sont Criterion. Mais je pense que vu que... non, je pense que le monde s'attend à ce que ce soit juste la... Oui, oui, le Criterion. Tu sais, ça porte le nom et tout. Fait que c'est comme... C'est vraiment juste... Il y a une attente. Distribué en Blu-ray par Criterion. Fait que d'après moi, c'est pas mal. Parce que les Mongrel ou les Kino, ou peu importe, c'est ça. C'est bien mêlant un peu, là. OK, ben c'est ça. Ça répond au moins à ma question parce que je me demandais s'il allait avoir plus de trucs que... Ça sera... Non, ça ne sera pas mélangé. C'est vraiment tout ce qui est disponible en Blu-ray. C'est le distributeur Criterion. C'est le distributeur Criterion. Ouais, okay. Vraiment. Ça répond à ma question. Ah, je suis déçu. Sébastien a fermé sa caméra. Ce que je voulais dire tantôt, ce que j'aurais aimé ça, c'est que j'aurais aimé qu'il se tienne debout dans un coin de sa pièce, là, puis quelqu'un genre fasse flasher chez eux, genre sa blonde. Oh, wow. Juste une fois, juste un flash de lumière, puis qu'on le voit debout, qui bouge pas partout. Puis... Ah! Je pense pas qu'il aurait la force de faire ça. Faut dire qu'il oublie que la caméra est allumée puis ça s'en va dans la pièce pour aller vomir puis finalement nous on voit ça. Ça serait merveilleux. La magie du direct. Il oublie qu'il y a la caméra, il est en bobette, il va se gratter le derrière. Ah, ok. De quoi vous voulez parler vous autres? T'as-tu un sujet, Steven? Ben, vas-y, Vicky, ça fait longtemps que t'as pas participé, fait que... Moi, je vais encore me faire haïr, puis je l'assume, parce que quand, ben, haïr, à petite dose. Tu sais, j'avais parlé de BoJack Horseman, tout le monde comme, non, c'est merveilleux! Ben, je vais continuer avec la série Maniac de Netflix, que j'ai pas tant apprécié, puis pourtant, tout le monde à qui j'en parle ont vraiment beaucoup aimé. L'avez-vous vu, là? Non, avec Jonah Hill, là. Ouais. Je voulais l'avoir, mais non, j'ai... De toute façon, moi, je commence à peine à écouter mes séries maintenant, fait que... Parce que, tu sais, c'est drôle hein, qu'on parlait de Michel Gondry et tout ça, mais ça fait beaucoup penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Science of Sleep, c'est ça l'autre mot, de l'autre nom? Ouais. Ouais. La série est pas mauvaise en soi, mais je l'ai pas trouvée intéressante. Puis j'ai pas compris le hype autour de cette série-là, dans le sens où ça raconte quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois, mais de façon mieux, à mon avis. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas et qui participent à une étude scientifique. Et dans l'étude, ben, ils vont parcourir un peu leurs fantasmes, leurs rêves, leurs peurs, leurs craintes en incarnant des personnages différents à toutes les fois, dans des univers différents à toutes les fois. Puis, dans cette recherche scientifique-là, tout le monde est assis sur une chaise séparée, puis prend une drogue pour aller dans leur subconscient, puis tous les subconscients sont enregistrés. Donc, ils n'ont pas moyen de se rejoindre autant que ça dans les subconscients l'un de l'autre. Et ces deux personnages-là finissent toujours par se rejoindre. Puis, ça devient un peu un mystère de pourquoi ces deux-là se rejoignent. Mais on répond pas tant que ça à la question, à mon avis. J'ai trouvé la série pas intéressante. J'ai trouvé qu'elle laissait en plan plein de choses. J'en parlais avec un de mes amis, puis il me disait tous les moments qu'il avait aimés, puis c'était les mêmes que moi. Puis je trouvais que c'était symptomatique du fait que les autres moments étaient peu intéressants. Dans le sens où les deux, on a trouvé que la série, elle se passe dans un espèce de présent un peu dystopique. Tu sais, comme si on mélangeait le présent puis une espèce de futur à cause de la technologie. Fait qu'il y a deux choses qui se... que l'univers s'entrechoque un peu dans le sens où on n'a pas l'impression que c'est totalement notre présent, mais c'est trop vieux pour être le futur. Fait que c'est comme un univers un peu parallèle. Fait que ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est exploité à coup de clin d'œil. Tu sais, on sort pas assez de ça ou on n'en met pas assez, à mon avis. Le personnage de, peut-être je me trompe, là, Sally Field, je me trompe-tu, c'est ça son nom, Sally Field? Actrice... Emma Stone. Oui, il y a Emma Stone, mais il y a Sally Field aussi dans Ah, ce ok, film. je sais pas, Mais je c'est pensais que ça, tu mais parlais c'est vraiment juste des vues. pour c'est juste, c'est pas Sammy, là, c'est bien Sally Field. Bref, Oui, ouais, oui, c'est long, là. Son personnage est vraiment écœurant. Cette actrice-là est incroyable dans le film. C'est super intéressant. Mais elle arrive trop tard. Elle arrive vraiment trop tard dans la série. On aurait besoin d'elle plus tôt. Fait que c'est plein d'affaires comme ça que tu dis que la balle a été échappée. Tu sais, comme si on se lançait la balle, puis souvent, elle n'a pas été attrapée par quelqu'un, comme s'il y avait eu deux scénaristes qui se parlaient, mais qui se communiquaient pas. Donc, c'est une série qui a été très hype sur Netflix, mais que moi, personnellement, m'a déçue. Pas par le jeu des acteurs, là, vraiment par le manque de sujet de la série qui s'essouffle souvent. C'est ça. Fait que je me fais encore probablement détester parce que, comme BoJack Horseman, je sais que cette série-là a beaucoup de fans. Mais moi, j'ai pas aimé. ouais, mais je pense que la série a autant de gens aussi qui ont pas tant accroché comme toi, Ah là. oui. Quand c'est sorti, me semble que ça semblait quand même diviser un OK. peu le public. Mais tu sais, ça, Steven, c'est une conversation que j'ai souvent avec moi-même, parce que je passe beaucoup de temps avec moi-même. Tu sais, on dit tout le temps qu'on n'a pas la formule d'un film à succès, mais je pense que Netflix non plus n'a pas la formule d'un hit. Tu sais, parce que là, tout le monde parle de Fire. Tu sais, tout le monde parle de Fire, là. Le Fire, tout le monde en parle. Mais il y a une série, j'ai pas noté le nom, là, American quelque chose qu'on a parlé, puis à peu près quatre épisodes, là, qui est pas mal sur le même sujet, sur des Instagrammeurs, sur la popularité Internet, avec entre autres Paris Hilton et tout ça, puis on a parlé durant un épisode à quel point j'ai adoré ce documentaire-là, c'était vraiment intéressant. Puis ça n'a pas fait tant jaser que ça, alors que Fire, tout le monde en parle. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette de hit non plus Netflix. Ben, c'est parce que Netflix, eux, prennent juste des chances un peu dans tous les domaines. Ils expérimentent puis ils essayent de tout. Fait que, des fois, c'est pas tant, je pense, que la série ou un film est moins bon, que ça fonctionne pas. Je pense juste qu'ils sortent tellement de trucs maintenant par semaine que tout ce qui est Netflix Original, ça passe sous le radar des fois. Là, t'as des petits bijoux que t'entends pas plus parler, mais une autre semaine, les gens vont sticker sur une série comme la série You, avec l'espèce de Et voilà. stalker avec la fille, mais. Ça dépend. Des fois, ça peut juste prendre du temps aussi. Le monde va accrocher après un mois parce que là, les critiques vont commencer à en parler et à dire, écoutez, vous avez loupé ça, ça serait peut-être le temps de le découvrir, mais c'est juste qu'il y a trop de stock maintenant avec Netflix. C'est difficile de suivre le rythme. Fait que tu vas être les buzz de qu'est-ce qu'il y a déjà, là. Mais tu sais, dans ça, la série, je suis allée voir là, pendant que tu parlais, c'est The American Meme. Mais c'est juste intéressant de voir qu'ils ne contrôlent pas, je pense, le buzz. Il y en a une qui buzz et l'autre moins. C'était juste ça que je voulais dire dans le sens où, il n'y a pas de recette d'un film à succès, mais je pense que Netflix n'a pas de recette d'un buzz. Tout pourrait être un buzz, mais parfois oui, puis parfois non. Puis ils ne doivent pas savoir pourquoi. Bon, en fait, ça dépend de ton produit. Je veux dire, c'est le film ou la série qui va créer le buzz à cause de son sujet, à cause du réalisateur, ou je veux dire, le fait que The Irishman de Martin Scorsese, ça va être un Netflix original, le buzz est déjà là. Je veux dire, c'est Martin Scorsese qui revient au film de gangster avec un casting en or. Fait que Netflix n'ont pas besoin de faire grand-chose, là. Je veux dire, la journée que ça va sortir, ça va être streamé en maudit, là. Oui, mais peut-être un petit peu, là, mettons, j'essaie de trouver. Je pense que c'est Nightflyers, OK? Nightflyers est une série, là, je parle de même, là, je suis allée sur Netflix au hasard. Nightflyers, série Netflix. Ça, tu sais, j'entends pas beaucoup parler. Mais Russian Dolls, ça fait plein de fois que j'en entends parler. Tu comprends-tu Ouais, ce que ça je veux dépend. dire? T'sais. Oui, mais ouais, mais c'est normal. Il y a des hasards qui sont intéressants. C'est juste ça mon point. C'est que je pense qu'on Ouais, est non, c'est sûr. d'accord à dire qu'est-ce qui va vraiment avoir un buzz. Puis qu'est-ce. Tu sais, Bird Box a eu un super gros buzz, mais est-ce qu'ils l'ont prédit à ce point-là? Je pense pas, mais encore là, c'est. Un buzz en tant que tel, ça peut jamais réellement se prédire en tant que tel, C'est vu. ça mon point. Dépendant de ton marketing, je veux dire. C'est ça ma Ben. conversation, c'est ça ma réflexion en fait. C'est fou à quel point même Netflix, avec toutes les données qu'ils possèdent, ne peuvent probablement pas prédire un buzz. Ben, n'importe quel studio, souvent, ils peuvent pas toujours prédire. T'sais, Universal, quand ils ont fait le trailer de Get Out, je pense pas qu'ils se doutaient que ça ferait le buzz que ça l'a fait, là. Et voilà, c'est juste drôle. C'est de... Ouais, mais Universal ne récolte probablement pas tes données autant que Netflix. Peut-être qu'ils achètent. Ouais. Ah ouais. C'est juste ça. C'est pas, il n'y avait pas de débat à avoir, c'est juste une réflexion. Je passe beaucoup de temps avec moi-même, OK? Fait que j'ai beaucoup Ouais, mais en de même temps, t'as pas le choix, t'es attaché à toi-même. Qu'est-ce que tu veux réflexion. faire? C'est incroyable, mon cerveau va beaucoup. Mais c'est ça, c'est plein de questions de même. Puis là, je me rends compte que c'est ça, on ne contrôle pas les buzz, mais même Netflix, je trouve ça assez incroyable. Ben, je pense qu'ils prennent ils prennent des valeurs sûres, comme mettons, là, je vais parler de choses que je connais, mais t'sais, ils vont chercher des affaires pour plaire aux nostalgiques, comme mettons Fuller House, ben Gilmore Girls, Arrested Development, des trucs comme ça, des valeurs sûres comme Orange the New Black qui sont bien critiqués ou des trucs comme ça. Puis après ça, ils prennent des chances avec, t'sais, ils vont à la pêche un peu avec toutes sortes de styles, toutes sortes d'affaires Ouais. avec toutes sortes d'affaires. J'ai l'impression que Netflix se tient au courant avec les films de indie du festival. Par exemple, tu prends les deux premiers films de Jérémy Saulnier, Blue Ruin puis Green Room. Netflix ont vu que ce réalisateur-là a été chercher une grosse partie de la critique qui était positive, tout ça. Fait qu'ils ont décidé de financer pour son prochain film qui était Hold the Dark. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'ils font souvent ça avec plein de réalisateurs. Qui ont un buzz auprès de la communauté d'horreur ou d'action, peu importe, puis ils voient que ça a un succès, mais que les gros studios n'osent pas donner un budget ou une chance à ces réalisateurs-là. Fait que là, Netflix va aller chercher, puis souvent, c'est une formule gagnante, là. Ouais, non, c'est ça. Fait que je trouve ça juste intéressant. Ouais, on a perdu GF. Ouais, ça, C'est je suis en juste train de une le dire. réflexion intéressante à voir. Tu sais, on dit que Gilmore Girls, ça a été un très gros buzz, Gilmore Girls. Mais American Wet Hot Summer, Ouais. j'en ai entendu parler un peu, mais pas autant. Et pourtant, c'est le même principe, tu comprends? C'est le même revival. Ouais, mais en même temps, cette série-là, c'était le but d'aller chercher ceux qui étaient déjà fanatiques du film. Puis même le film, moi, je le connaissais pas à la base. Fait que j'avais l'impression que c'était un public précis là, pour celui-là. Là. Je pense pas Mais qu'il y tu ait sais, tu du public comprends pour ce lui. que je fais comme lien, là, tu sais? Oh, Je trouve ça juste intéressant de se dire, il y a des affaires qui font vraiment le buzz, puis d'autres. Tu sais, oui. peut-être que quelqu'un dans le bureau de Netflix, il dit, moi, je veux un 10$ là-dessus, puis il s'est planté, il a perdu son 10$. Peut-être. De toute façon, des fois, Netflix, j'imagine que. Tu sais, je veux dire, exemple, Paramount, ils ont vu leur film Cloverfield Paradox. Ils ont vu le résultat, ils ont comme fait fuck off, on sort pas ça au cinéma, c'est raté. Puis Netflix, eux, ils ont comme fait, ben écoute, on pourrait vous l'acheter. J'ai aucune idée combien Netflix a payé, à mettons, pour le film. Mais tu sais, si Netflix peut aller chercher des petits films de même, de Paramount ou de d'autres studios qui veulent juste pas le distribuer, tu sais, ils ont. Juste le fait d'avoir pris ce film-là, il y a mettons qu'ils l'ont payé pour des peanuts, mais qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour la promo au football pour faire ça, la promo qu'il avait eue. Je veux dire, quand le match de football s'est terminé puis que le film s'est retrouvé sur Netflix, c'est clair que le film a dû être streamé, mais solide par des milliers de personnes. Fait que je pense que Netflix ont quand même le flair pour. Ben oui, je dis pas que tout est une question de chance, mais tu sais, ils ont quand même énormément de données, là. Pour ceux qui ne savent pas, Netflix a les données de, mettons, tel film a été vu jusqu'à la fin pendant combien de fois, ou sinon, à quel moment les gens arrêtent. Puis là, ils vont dire, hey, ce film-là, tout le monde arrête pas mal après 1 heure et quart. OK, peut-être, puis tu sais, c'est fou, là, avoir cette donnée-là. Tu sais, il n'y avait pas ces données-là avant. Tu dis, hey, Internet a mes données parce que Facebook sait où ce que je suis, Google sait où ce que je suis. Mais Netflix, c'est tes habitudes d'écoute de, hey, cette personne-là écoute les films tout le temps saccadés en 4 shots. Bon, on va lui proposer plein de mini-séries. Tu sais, c'est fou, là. Mais tu sais, la plus grosse qualité de Netflix que la plupart des studios n'ont pas, c'est juste qu'ils prennent des chances puis des guesses. Puis ça, les studios ont trop peur de ça. Des fois, il y en a qui prennent un peu plus de chances. Ou tu as des studios comme A24 qui est distribué par souvent. Je pense que c'est Mongrel, je suis pas sûr là, mais qu'est-ce qu'il y a, Vicky? Non, j'avais mal à la cheville. OK. Non, mais c'est ça, tu sais, qu'eux, ils distribuent dans des salles des films indie, tu sais, comme Hereditary, tout ça, tu sais, je pense pas que c'est d'autres gros studios qui auraient voulu distribuer ces films-là, fait que ça, c'est plus cool, là, mais, tu sais, je veux dire, il y en a qui voient souvent le diable en Netflix parce que c'est des films qui sortent pas au cinéma, mais je veux dire, ils ont fait beaucoup d'efforts dans les 2 dernières années, je veux dire, on a eu Roma dans les salles de cinéma, tu sais, mais je pouvais aller le voir à Montréal, puis ils veulent faire la même chose avec le Martin Scorsese de Irishman, ils veulent le distribué dans des salles 2 semaines avant qu'il soit disponible sur Netflix. Fait que sais, rendu là, quand le monde Ah, mais moi, j'ai rien vidait. pour Netflix, hein, c'était juste comme j'ai une Ah non, je réflexion. sais, je Okay, sais, je sais. je veux juste être sûr, merci. Tu sais que j'aime bien pareil défendre Netflix malgré Ah bon. les défauts qu'il peut avoir comme n'importe quelle autre de plateforme ou studio. C'est Oui, juste c'est que. ça, mais moi, je pense que Netflix a vraiment cerné un besoin, puis c'est pas le besoin des gens de rester chez eux, pas du tout, c'est le besoin de découvrir. Les gens avaient un besoin de découvrir, puis il y avait aussi une espèce de truc avec les clubs vidéo, c'était cool, parce qu'il y avait plein de choses, mais avec le temps, bien sûr, les gens étaient moins en clubs vidéo, mais il y a eu un passage entre, mettons, les clubs vidéo... Puis la télé on demand, puis l'option Internet, il y a eu un espace-temps là où les gens découvraient moins. Tu sais, là, l'époque méga upload, là, ben, il fallait que tu connaisses ce que tu cherchais. Tu es d'accord avec moi? Tu sais de quoi je parle? Ouais. Fallait que tu saches qu'est-ce que tu cherches, tu vas le chercher, tu le downloads. Mais ça empêche beaucoup de découvertes parce que tu dois chercher. Netflix est allé combler un envie de découverte de je vais fouiller. Tu sais, les fameuses listes infinies de Netflix, Ouais. je vais fouiller, je vais découvrir quelque chose que j'aurais pas regardé sans ça. Ouais, ça c'est cool. J'entends souvent des gens qui expérimentent puis qui essayent des films ou des séries sur Netflix qui, tu sais, en mettant avoir été au club vidéo, peut-être qu'ils n'auraient pas loué le film en question ou, Ouais? tu sais, ça a ses avantages. Beaucoup, puis c'est ça, je pense que Netflix, pour ça que je les aime beaucoup, c'est ils vont chercher cette espèce de personne qui a juste envie de découvrir, d'aller au hasard. Puis après ça, tu as les cinéphiles qui vont peut-être plus creuser ou qui vont s'abonner à d'autres trucs. Mais ceux qui ont juste envie d'écouter pour le fun, tu sais, on a tous, moi c'est ma soeur, on a tous des gens qui ont juste envie d'écouter pour le fun, mais Netflix répond à ce besoin-là. C'est Beaucoup. surtout que c'est très accessible, puis je pense que c'est ça la plus grande force, là. Je veux dire, tu vas conseiller un film, mais la personne peut 10 minutes après aller dans son salon puis l'écouter automatiquement, le film que tu viens de parler. Fait que c'est sûr que ça, c'est un gros plus, là. En fait, mon plus gros reproche que j'ai avec Netflix, c'est que moi, étant un collectionneur puis un amoureux du physique, ça me frustre Ouais. de ne pas pouvoir voir certains films en Blu-ray. Je trouve ça vraiment chiant. Puis OK. quelqu'un décide d'en sortir un, ben c'est Cloverfield Paradox. Puis je suis comme, c'est pas vraiment le film que les gens voulaient là, dans votre bibliothèque. Ouais, tandis que moi, ce que je leur reproche, c'est de pas avoir assez de choix traduits francophones parce que je les écoute en langue originale, mais moi, je pense que le cinéma doit être accessible d'abord et avant tout. Puis tu sais, quand tu dis qu'il y a des gens qui se privent de certaines choses parce que c'est pas dans leur langue originale, je les comprends. Je les comprends. Je veux dire, si ton but, c'est pas de te casser la tête puis écouter un film parce que t'es pas cinéphile, tu vas pas chercher cette qualité-là, tu vas pas chercher cette étincelle-là, tu veux juste du popcorn puis t'endormir sur ton sofa, Netflix devient quand même rébarbatif pour ces gens-là. Puis moi, c'est le seul reproche que j'ai. Ben, en même temps, je veux dire, c'est difficile de mettre la faute sur Netflix par rapport à ça, parce que tout ce qui est Netflix Original, que ce soit série, film, c'est Ouais, tout tout traduit dans toutes les langues. traduit. Je sais. C'est plus difficile pour eux quand ils vont chercher un film de studio d'avoir peut-être la traduction qui vient avec, parce que ils peuvent pas peut-être le traduire, je sais pas, tu sais, fait que c'est plus Oh oui, compliqué, là. moi je connais ces lois-là. Fait que oui, parce que en fait, des traductions, ça se vend. Comme un droit d'auteur. C'est comme Ouais. si tu avais, mettons, je sais pas pourquoi j'ai le Mega Fight Club, donc les gens de Fight Club. C'est comme si Fight Club, tu peux le vendre une fois dans toutes les langues ou cinq fois par langue. Fait qu'il y en a qui vont le vendre cinq fois. Mais tu sais, moi je me rappelle, j'ai pris Netflix d'un début, là, que quand la sélection était assez minime, puis il y avait pratiquement rien en français. Fait que tu sais, aujourd'hui, là, sérieusement, là, c'est quand même. Pour ceux qui veulent écouter des trucs seulement en français, je veux dire, vous avez du stock en masse, là. Ben, moi, j'ai commencé Netflix quand il y avait encore des DVD que tu peux louer. Tu veux dire un clip vidéo? Non! Netflix, au tout début, c'était encore des DVD par la poste. Ok, je savais pas ça, j'ai pas passé par là. Il y avait deux services, puis un des deux services était, si tu voulais un film, tu peux l'avoir par la poste en DVD. C'est compliqué en estique, ça. Ouais, mais t'avais pas à le retourner. Ok, c'est une copie? Non, mais c'était une copie Netflix, puis t'avais tant de temps. Moi, ça avait été pratique dans mes études universitaires. Fait Ok. que, ouais, il y avait un site, il y avait le streaming. Mais mettons là, tout ce qui était sur Netflix, tu fais aussi avoir une copie chez toi par la poste. En plus de ce qui était. Ça n'a pas dû marcher longtemps, parce qu'il me semble que c'est compliqué en salle comme Mais concept, là. tu sais, là, dans le temps où que tu pouvais avoir des. Au lieu des clubs vidéo, c'était des bandes de DVD, là. Des Ça, guichets? oui, non, mais c'était dans le temps des guichets. Mais ça dit que ça fait longtemps, là. Parce que j'ai connu les deux, trois compagnies de vidéos qui ont essayé par guichet. Tu sélectionnais sur un ordinateur, tu payais, puis là, le film sortait, puis tu pouvais le ramener en dedans que de 24 heures, de pas de Ben, même. Netflix, c'était pas mal le même concept, mais par courrier. Ouais. Mais ça marchait tout au Canada? Ben, moi, ça avait marché entre universités. Tu pouvais le faire quand tu étais à l'université. Parce qu'on avait un autre service au Canada qui s'appelait quelque chose comme Flix, Fix quelque chose, qui c'était le même modèle que Netflix, puis je m'en suis servi voilà, peut-être 5-6 ans quand je suis arrivé ici dans ma petite ville ontarienne, puis j'ai plus vraiment, pas vraiment de club vidéo, fait que je m'en suis servi pas mal. Je recevais les films par la poste, je les renvoyais dans. Il y avait déjà des petites enveloppes pré-adressées pour les renvoyer, fait que ça se faisait super bien. Tu créais ta liste, pareil comme sur Netflix, tu créais ta liste sur le Hey, site. bienvenue à nouveau, Jean-François. Oui, merci. Bon, je vais y aller avec de quoi d'un peu léger puis rapide avec tout ça. J'ai profité de ma visite chez ma belle-mère, encore une fois, pour écouter un film à super écran. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? J'ai écouté le deuxième Jumanji. Oh, il est sur super écran. Je vais aller vous regarder. Oui, sur super écran. Et moi, j'étais pas tant excité. La bande-annonce ne m'avait pas convaincu, mais tu sais, Seb avait lâché une petite critique alléchante, puis les opinions du film étaient quand même assez bonnes. Enfin, j'ai décidé de le regarder et j'ai été agréablement surpris. J'ai passé un très, très bon moment. J'aime beaucoup la façon qu'ils ont modernisé un peu le concept au lieu de juste. J'allais dire faire un remake, mais en tant que tel, c'est supposé être réellement une suite, même si on ne suit pas les mêmes personnages. Mais tu suis le même board de jeu, c'est juste que là, le board de jeu de Jumanji se métamorphose en console de jeux vidéo. Je sais pas pourquoi, je me suis pas trop posé de questions, j'ai juste adhéré, j'ai fait « Ok, fuck off, c'est une console de jeu, c'est comme ça en 2018. » Puis tu vas juste suivre quatre jeunes plus ou moins amis qui se connaissent à l'école, qui vont se retrouver les quatre en retenue dans un sous-sol de l'école, ils vont devoir faire un peu de ménage, puis ils vont tomber sur la fameuse console qui est cachée là. Fait qu'ils se disent « Bon, ouais, une console, on va l'essayer, puis une console de style Nintendo. » Puis en essayant de jouer, ils vont choisir chacun des personnages, puis ils vont se retrouver dans la console, donc dans Jumanji, l'endroit où que Robin Williams, dans le premier film, s'était retrouvé, mais que nous, on n'a pas pu vraiment voir vu que le film se déroulait à l'extérieur. Et oui, vas-y, Vicky. Est-ce que quelqu'un sait si, parce qu'il y a toujours eu comme une possibilité de suite de Jumanji, je pense qu'il se terminait comme un dé, qu'il y aurait peut-être une suite. Est-ce que quelqu'un qui sait s'il y a déjà eu une potentielle suite qui se passait dans le jeu, mais comme très rapidement après celui de Robin Williams? Genre, 2 ans après, il devait faire une suite, puis finalement, ça n'a pas marché. Je sais pas, mais celle-ci, c'est quand même ça en tant que telle. T'sais, je peux pas dire grand-chose, mais c'est quand même la suite. Vraiment, avec Robin Williams, on s'était dit, hey, on fait une suite, puis on suit ce qui est arrivé. C'est quelqu'un qui sait ça ou ça devait toujours rester un Je sais mystère? pas. Je sais pas, ça me dit OK. rien. Alors, on est obligé de partir là-dessus, c'était juste une question que j'avais. Continue. OK. Mais c'est ça. Fait que là, les quatre jeunes vont se retrouver dans des corps de personnages de jeux vidéo, sauf que là, c'est des adultes. Fait que là, t'as le petit jeune geek tout mince, tout timide, qui lui se retrouve dans le corps de The Rock. T'as une fille qui va se retrouver dans un corps d'un garçon, Jack Black. Puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais. À capote de se retrouver dans un corps masculin puis d'avoir un pénis. Fait que tout le long du film, des fois, elle essaie d'aller pisser, mais elle sait pas comment pisser avec un pénis. Fait que t'as les autres qui essaient d'y expliquer. Puis autant ça aurait pu être un peu nono comme humour. Je trouve que c'est bien géré, tu sais, dans le film. Puis la façon que les acteurs jouent en tant que tels des jeunes, mais dans des corps d'adultes, surtout The Rock. The Rock, il y a beaucoup de gens qui sont un peu écœurés de The Rock parce que c'est comme la grande star du moment, l'acteur le mieux payé dans tous les films. Mais je l'aime, The Rock, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est vraiment le fun. Puis des fois, j'écoute des navets avec lui que j'arrive à endurer parce que The Rock a un charisme. Qu'est-ce qu'il y a, Vicky? Ben non, T'aimes mais ta phrase. pas The Rock? T'aimes pas The T'as Rock? réussi à endurer Rampage? Ah bon, j'ai pas aimé Rampage, mais je l'ai enduré grâce à The Rock. Encore une fois. Tu sais, Ouais. honnêtement, Rampage, j'aurais pris 1 heure et demie de The Rock qui parle en langage des signes avec le singe. C'était merveilleux. En tout cas, pour revenir à Jumanji, j'aime beaucoup la façon que ça a été structuré. C'est vraiment comme si tu étais dans un jeu vidéo. Puis pour une fois, venant d'un gros studio, Je trouve que les créateurs n'ont pas pris les vrais amateurs de jeux vidéo pour des imbéciles. Tu vois que c'est des personnes qui sont quand même connaissants des codes et de l'univers du jeu vidéo. Fait que tu retrouves des trucs qui sont vraiment typiques, des moments de cinématique qui s'intègrent littéralement dans le film comme ça serait dans un jeu vidéo. Fait que le jeu s'arrête puis les personnages sont obligés de regarder la cinématique. Fait que ça, je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Puis la façon que ça fonctionne avec les vies. Comment ça fonctionne avec les habilités de chaque personnage qu'on a choisi. Fait que, en tant que tel, le mélange univers du jeu vidéo en film, je trouve que c'est juste bien construit. Sinon, en tant que tel, si tu mets ça de côté et que vous n'êtes pas amateur de jeu, ça change rien. Ça reste une grande aventure où tes quatre personnages doivent sauver Jumanji, qui est l'espèce de grosse jungle. Ils doivent retrouver une pierre mystique qui a été volée par un gros méchant. Puis ils doivent ramener la pierre sur une statuette de très haut, puis s'ils réussissent ça, ben, ils vont sortir du jeu de Jumanji. S'ils réussissent pas, par contre, parce qu'ils ont chacun 3 vies, si les 3 vies sont perdues, ils meurent pour de vrai dans le jeu, puis c'est terminé. Fait que le film joue beaucoup là-dessus, c'est bien rythmé, les effets spéciaux sont quand même bons, tu sais, oui, c'est CGI, mais je trouve que c'est mieux peaufiné que ben des grosses productions, incluant Rampage. Tu sais, celle-là, je trouvais que c'était il y avait un bon une bonne production design, puis crime, je veux dire, le but principal du film, c'est d'offrir du fun, puis en tant que blockbuster, je trouve que celui-là remplit bien son contrat en réussissant à nous impliquer dans l'histoire, nous impliquer avec les personnages, les faire aimer, puis que ça soit pas juste une avalanche d'actions puis d'effets spéciaux juste pour t'impressionner. Le film a quand même du cœur, puis une profondeur, puis c'est souvent ça, je trouve, qui manque dans les gros blockbusters. Fait que je trouve que tous les ingrédients sont là pour passer un très bon moment, c'est une bonne suite, et c'est ça, en gros. J'ai juste eu du fun, puis crime, j'en demandais pas plus. Puis c'est cool. C'est le genre de divertissement que j'ai envie d'avoir plus souvent dans mon salon. Je suis vraiment contente de ta critique parce que j'ai pas entendu celle de Seb, puis ça prouve le Don't judge a book by its cover. Tu sais, ça prouve, faut pas juger. Là, tantôt, on riait de Will Smith en Aladdin bleu, mais ça prouve que ça faut pas juger un film sans l'avoir vu parce que. En voyant juste les images sur Internet, parce que moi, quand j'ai vu les images de Jumanji, ça me fâchait. C'est encore une fille sexy, encore The Rock de même. T'sais, les images étaient frustrantes parce que c'était hyper cliché typique. Puis ce que tu me dis, c'est ben non. T'sais, ben non. Maintenant, mais ça, c'est drôle parce que tu sais, j'ai vu quand la bande-annonce était sortie à l'époque, j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que la fille était en petite tenue dans une jungle, puis ça faisait aucun sens. Puis ah, c'est juste encore pour mettre une sexy. Mais c'est justifié parce que vu que tu es dans un jeu vidéo, dans une console, souvent les filles sont beaucoup utilisées en petite tenue. Puis quand la personnage se retrouve dans ce corps-là, se regarde et elle se dit, c'est quoi cette tenue-là? C'est illogique. Pourquoi une fille irait en petite tenue dans une jungle? Pourquoi je suis comme à moitié à poil? Puis le film est méta puis elle en rit beaucoup de ça. Fait que c'est pas ce que ça peut laisser présager quand tu vois les bandes annonces ou les photos avant. T'sais. Fait que Mais, c'est peut-être le marketing qui est pas bon des fois aussi. Hein? ben, puis ça, on me l'avait dit, tu comprends? Ah, oh, ouais, mais la fille, elle chiale, blablabla, puis je suis comme, ouais, mais elle chiale, mais ils font pareil, tu comprends? Dans le sens où on pourrait, comme, chialer et pas le faire. Mais ce que là, tu m'apprends pour la première fois, c'est que c'est pas nécessairement c'est pas moi, parce que moi, ce que je comprenais, c'est que c'est Vicky projetée dans le jeu qu'on a mis. Ouais. Tu comprends-tu, Ouais, Steven? c'est Le sûr. personnage de Robin Williams, quand il est aspiré dans le jeu, là, c'est lui encore. Quand c'est le board game du premier film, c'est lui, puis quand il ressort, c'est lui. Il n'a pas changé. T'sais, il n'est pas devenu pas un personnage, mais un avatar. Tu comprends-tu? Ouais, non, c'est ça, c'est pas un jeu vidéo, tandis que Là, là, ça en est un. ce que tu me dis, c'est que c'est un avatar. C'est ça que là, tu m'apprends que je trouve intéressant parce que quand si tu me dis Vicky est aspirée dans le jeu, puis elle a une tenue sexy, je vais juste faire. Ok, mais genre, va chier. Puis, je vais pas juste l'adresser, je vais être vraiment frustrée. Là, ce que tu me dis, c'est non, non, c'est pas l'avatar, c'est pas un personnage direct, c'est autre chose, c'est vraiment un personnage créé dans le jeu. En tout cas, je sais pas si je suis claire, là, mais moi, dans ma tête, c'est Non, c'est ça, super mais tu clair. sais, ça clash parce que l'avatar de la fille, c'est complètement à l'opposé de qu'est-ce qu'elle est dans la vraie vie, là, adolescente. Là. C'est pas une fille en petite tenue qui se la joue. Enfin, tu sais, c'est ça qui est drôle, ça clash, puis elle est pas bien là-dedans, justement. T'sais. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est que c'est pas juste on t'a mis comme ça parce que tu t'es créé de même, là. Fait que c'est pas un Sims, tu sais. Je me suis pas fait un Non. Sims pareil comme moi. Non, non, non, c'est imposé de même. C'est différent, j'aime ça. J'aime ça. C'est drôle parce que ça apporte une dynamique différente parce que chaque personnage a vraiment leur habilité puis leur personnalité propre. Fait que, tu sais, le fait de voir un jeune kid dans le corps de The Rock, c'est que là, tu vois The Rock qui a juste peur quand une chauve-souris passe, qui veut pas se battre alors, contre des gens qui sont comme deux fois sa taille en moins, tu sais, puis c'est vraiment drôle. Là. Ça joue beaucoup sur le physique de The Rock, mais dans le sens contraire. Là. On dirait qu'il est plus une poule mouillée, tu sais, alors que d'habitude, on voit The Rock en gros héros, bad guy, badass. OK. Ah, intéressant. J'ai super écran, je pourrais l'écouter. Ah ben, vas-y. Mais, ah oui, c'est ça, je sais, j'en remonte, là, je fais plein d'insides, mais j'ai super écran, mais Frisson n'est pas accessible sur une belle commerciale que j'expliquais au dernier épisode. Tu sais, là, je disais, j'ai ah, Belle, pas capable, c'est Belle commerciale, Frisson est bloqué, j'ai pas accès. Mais je peux avoir super écran. Okay. Mais c'est frustrant, c'est quoi ça? Bon, je sais pas. Et toi, JF, qu'est-ce que t'as vu d'autre? Ben, on se fait une petite pause parce qu'on avait dit qu'on mettrait une chanson en plein milieu d'épisode. Fait que pour ceux qui écoutent la MP3, je pense qu'on devrait faire une petite pause. Pour aller avec le thème de la journée, de la soirée, on va aller avec Lisa Leblanc. Et aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde. Son premier hit de 2012. Ouais. Hey, je chante pas contre Lisa, je l'aime. Ok. Je chante contre la toune, pas contre Lisa. Ah ouais, pourquoi? À juste trois ou jouer à la radio cette année. Fait qu'on se retrouve tout de suite après la chanson. Toute seule au bar en bitchant toute la soirée à ceux qui ont le malheur de m'écouter. Je dis peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est là. I'm Nous sommes de retour après cette merveilleuse chanson, la préférée de Steven. Et, et c'est à mon tour de parler. Je vais vous parler de quelque chose de télévisé encore. Et c'est le show musical Rent, le drame musical Rent live ou presque live, qui a été présenté à Fox le 27 janvier dernier. C'était annoncé depuis longtemps. Puis Fox avait eu un bon succès avec Grease il y a 2 ans. Un moins bon succès avec A Christmas Story. Excellent succès avec Rock Your Picture Show. Ouais, okay, mais c'était pas pareil parce que c'était pas live. Ça rentre pas dans la même catégorie. C'était pas live, c'était un film. C'est vraiment un film. Dans ma tête, c'était live. Et mais c'est loin. Peter Pan aussi. Peter Pan avec Christopher. Non, Peter Pan, Sound of Music, tout ça, c'est NBC. Ok, The mais Weird, c'était live. Airspray, ouais, tout ça, c'était live. C'est, ok, on parle en plein coup de voix. Mamma mia! GF! Non, mais tu sais, c'est vraiment une catégorie spécifique de faire des musicals live. Ils ont commencé avec The Sound of Music en 2015. T'sais, c'est une vieille tradition des années 50-60 qui avait été perdue. Puis là, ils ont ramené ça. C'est NBC qui a ramené ça. Ils ont eu un bon succès avec The Sound of Music. Ben, succès pas pire. Puis après ça, les chiffres, les codes d'écoute ont augmenté d'une année à l'autre. Puis tu sais, ils ont pogné l'apogée pas mal avec Airspray, puis Grease, puis The Wiz. Mais là, ils ont frappé. Mais puis Jésus-Christ Superstar l'année passée aussi, que ça a été un bon succès avec John Legend puis Alice Cooper. Mais là, Rent, c'est quand même un gros nom dans l'histoire du musical. Ça a révolutionné le Broadway en 96 quand ça a débuté. Puis c'était attendu beaucoup. T'sais. Puis moi, je me suis installé là pour regarder ça. Puis le problème, en partant, c'est que le show n'était même pas live. C'est qu'il y a un des acteurs, la veille, qui s'est blessé, il s'est cassé une jambe. Fait qu'il ne pouvait pas performer le soir même. Fait qu'ils ont décidé de présenter le dress rehearsal, la générale technique, qu'ils ont filmé le samedi soir. Le show était supposé être le dimanche. Ils ont filmé la générale technique le samedi soir devant le public. Fait que c'est eux qui ont diffusé. Sauf les 15 dernières minutes où le gars était assis avec son plâtre, puis là, ils ont réarrangé ça, la chorégraphie, pour pouvoir faire les 15 dernières minutes du show avec lui et la gang, live. Et donc, on a eu droit à un show qui ne devait pas être vu par personne, sauf le public qui était là, ce soir-là, puis que les performances n'étaient pas à point. Les acteurs se gardaient un peu d'énergie pour le vrai soir. Hey, je serais tellement tabarnak en tant qu'actrice. Ben, y a ça, puis ça a été beaucoup critiqué qu'au théâtre, en général, tu as ce qu'ils appellent en anglais des understudies. Tu as quelqu'un pour remplacer l'acteur s'il se blesse à la dernière minute ou s'il ne peut pas, il est malade, peu importe. Tu as tout le temps quelqu'un pour remplacer. Là, ils font des shows live, mais ils n'ont personne. Puis pour remplacer, fait qu'ils cancellent, tu sais. Ça a vraiment dû être frustrant pour tous ceux qui se préparaient mentalement, tu sais. Puis pour lui aussi, j'imagine, pour lui, il devait se sentir mal, mais tu sais, de canceller ça pour... Oh my God! Comme dirait les plus beaux, tu mets un épisode de Gilligan, puis tu verras par la suite qu'est-ce qu'il y a. Ben, c'est ça. Fait qu'on a eu un show qui était correct sans plus. T'sais, les performances, c'était moche. Le son était moche. T'sais, le public était vraiment dedans, mais il était trop fort dans le mix, fait qu'on entendait mal les voix. Il y a Vanessa Hudgens, qui est connue pour les films High School Musical, puis qui avait été dans Grease il y a 2 ans, qui, elle, comme quelqu'un a dit quelque part sur Internet, a dit, je pense, elle n'a pas eu le mémo que c'était un dress rehearsal le samedi soir, parce qu'elle se donne à fond, là, t'sais, puis elle, comme si c'était live, là, comme si c'était le show live. T'sais, puis, elle est vraiment... 2-3 coches au-dessus des autres, dans sa performance, dans son énergie, tout ça. Puis il y a quand même des bonnes performances, mais il y en a 2-3 qui m'ont laissé vraiment de glace. Là. Puis c'est un show que moi j'adore. Ça fait longtemps que je connais ça. C'est des chansons qui viennent vraiment me chercher que je braille à chaque fois que j'écoute des versions de Rent. La deuxième moitié du show, je passe mon temps à broyer. Puis, tu sais, à cause que j'aime le show, puis à cause que j'aime l'histoire, puis les personnages, ben, j'avais encore les larmes aux yeux dans celui-là, mais c'est vraiment à cause de l'histoire, puis des personnages. C'était pas tant à cause des performances, là, mais c'est ça, c'était boboche. Ce qui les a rachetés un peu, c'est quelques jours après, ils ont sorti la soundtrack sur Spotify, puis ailleurs, puis je l'ai écouté, puis c'était meilleur. Le mix est meilleur, puis tout. Puis, tu sais, faut dire aussi que le soir même, le soir live, ils ont présenté à la télé la générale la veille, mais ils ont quand même performé eux autres sur scène pour leur public qui était là. Puis ça n'a pas été montré à TV, mais ça a été montré sur Twitter. Il y a des extraits qui ont été montrés sur Twitter. Fait qu'ils ont quand même donné un genre de concert, sans la chorégraphie, tout ça. Juste les, comme je disais tantôt, les 15 dernières minutes qui ont été chorégraphiées pour fitter avec, raccorder ça avec ce qui venait de présenter, là. Mais, fait que je sais pas si le disque qui est sorti, sur l'album qui est sorti sur Spotify, j'ai pas trop fouillé là-dessus, mais je sais pas si c'est les performances live du dimanche soir ou si c'est le show qu'on a vu à TV qui avait été filmé le samedi. En tout cas. C'est bordélique, hein? C'est bordélique. Puis là, le problème avec tout ça, c'est que ça a été le show live de ces musicals-là qui existent depuis 2015, qui était le moins bon en termes de code d'écoute. Puis NBC devait présenter la comédie musicale Hair en avril ou en mai prochain, puis ils ont décidé de canceller, puis de repenser leur stratégie en termes de musical, parce que là, c'est comme, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis tu sais, moi, j'aurais envie de le dire, puis il y a plein de fans de musical qui ont envie de le dire, c'est qu'arrêtez de prendre des acteurs qui ont rien à voir avec ça, ou des vedettes de la télé-réalité ou des trucs comme ça, parce que c'était le cas encore dans Rent, il y avait des gens à la télé-réalité, puis aller prendre des vraies vedettes de Broadway, des vrais acteurs de Broadway, aller filmer des shows à Broadway, au lieu d'amener ça dans un studio fait pour l'occasion à Los Angeles, dans les studios d'NBC ou de Fox, aller filmer à Broadway. Il y a un site qui s'appelle Broadway HD que tu peux t'abonner encore là, 10$ par mois, un peu comme Netflix. C'est des shows de Broadway qui sont filmés professionnellement. Ils pourraient juste diffuser ça de temps en temps, un show comme ça, comme ils font au cinéma aussi des fois, tu sais, les opéras du Met ou les shows de Broadway qui présentent ça une fois par 6 mois, 2 fois par année peut-être, tu sais, puis ça va être, c'est parfait, tu sais, tu vas avoir le show tel qu'il est supposé être par des vrais acteurs qui sont spécialisés là-dedans, pas des vedettes de Broadway qui font du musical pour la première fois dans leur vie, puis qui se plantent, là, tu sais. Parfois, je me demande, c'est quoi la pertinence de fun regarder film? Ouais. La pertinence de fun regarder film, c'est GF qui nous apprend que tu peux t'abonner mensuellement au show de Broadway. Personne! GF était là pour nous dire. je suis pas abonné parce qu'il y a trop d'abonnements partout, puis j'ai déjà Netflix. Oh, oui, la fin, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le choix est pas encore énorme, mais il y a des trucs que je veux voir. Tu n'es pas abonné, ça t'intéresse. Je savais pas que ça existait. Okay? C'est disponible au Canada, puis je le lis sur Roku, puis sur d'autres. C'est disponible à plein de places, mais c'est ça. Non, c'est pas connu. Il y a plein de services comme ça qui sont pas connus. Mais... Je sais. Oh, t'es cute. Mais non, c'est ça, tu sais, puis... Non, grosse déception, c'est dommage. Je vais m'en tenir encore au film puis à l'enregistrement du cast original de 96 parce que ça reste mes préférés, puis... C'est ça. C'est un gros... pas un total ratage, mais je ne le reverrai pas, ça c'est sûr et certain. Ça va sûrement sortir en Blu-ray, mais je ne le reverrai pas. Le cast, l'album du cast est quand même pas si pire, comme je disais. Fait que ça s'écoute bien, ça se défend bien quand même. Puis il y a une chose aussi... qui est dans les points négatifs, c'est qu'ils ont changé les paroles parce que c'est quand même osé, Rent. Il y a des fucking et des trucs comme ça. C'était quand même assez révolutionnaire en 96. Puis ils ont changé les paroles parce que c'était à Fox à 9h le soir. Fait qu'ils pouvaient pas mettre des fuck et des trucs comme ça. Fait qu'ils ont. Puis ça jure un peu quand tu connais bien le truc. C'est comme, ah, ça diminue la patente, diminue l'impact un peu des fois de certaines affaires. Fait que c'est comme. C'est dommage. Je recommande encore de regarder le film et encore plus la version live de 2008, filmée à Broadway, qui est sortie sur DVD puis Blu-ray. Ça, c'est la meilleure version qui existe de ce show-là. C'est pas sur ma watchlist, mais merci d'en faire. Ben, c'est ça. On a tous des goûts différents. Il y a peut-être une personne que je vois peut-être et toucher. Cette personne est tellement comblée de nous écouter ce soir grâce à toi. Ou cette personne va dire hey, mais je l'ai écouté puis c'était bon, moi j'ai aimé ça. Ben oui! D'habitude, t'es celui qui défend les petits mal-aimés. Tu sais, t'avais défendu, je pense, justement. The Wiz, c'est The bon, Wiz. La version live de 3 ans, c'est super bon, c'est à l'opposé du film, là, The Wiz. Regarde, l'autre à côté, il a défendu The Happening pendant une demi-heure à son autre show, là, fait que... Non, j'ai même pas osé écouter ça, j'ai détesté The Happening. Ah ben, défendre... Oui, En tout cas. Steven. Oui, Non, mais je Steven. ne suis pas rendu là encore. J'ai comme 10 épisodes de séance de retard. J'écoute plus Oh! de podcast. Fait que... Oh! Oh! Oh! Mais Oh! c'est pas à cause des séances, c'est juste en retard dans tous les Non, podcasts que j'écoutais. Et vous autres, quoi de neuf à part ça? Vicky, t'avais-tu d'autres choses? Ben, moi, je tiens à aviser, puis je veux pas repartir un truc sur Netflix, là, mais quand vous faites une liste Netflix, je vais vous annoncer quelque chose d'assez important qui va peut-être changer vos vies ce soir. Si vous l'avez mis sur votre liste depuis plus d'un an, vous l'avez toujours pas écouté, c'est parce que vous n'allez pas aimer ça. Je m'explique. J'ai décidé le mois dernier de clairer ma liste Netflix. C'est la fameuse watch list, là, tu mets sur Ouais. watch list. C'est pour ça que j'ai écouté Maniac, entre autres. Et je commence par la fin pour remonter, tu sais. Et sincèrement, il y a des affaires, je sais pas pourquoi ça se trouve là. Puis c'est pas tant bon. Puis j'aime pas vraiment ça. Donc, si vous faites la même chose que moi, si ça vous se retrouve sur votre liste Netflix depuis un an, enlevez-le. Enlevez-le. Si vous vous souvenez plus pourquoi c'est là, enlevez-le. C'est pas bon. Ben, c'est pas bon. Vous n'allez pas aimer ça. Et Maniac en est un truc. Et depuis le début de la soirée, je l'ai d'en face. Puis là, vu qu'on en parle, je l'ai plus. Il y a des enfants, là, j'ai mis sur ma liste, dont un truc, tu sais, les fameux dossiers mystères que tout le monde écoute. Ben moi, j'ai réussi à trouver les dossiers mystères de l'Inde. Ça s'appelle les Dhar, Sagbo Laktahei. C'est vraiment genre dossier mystère en Inde. Fait que si vraiment t'as tout fait les dossiers mystères sur YouTube québécois, je pense qu'ils vont repartir la série, mais en tout cas, t'as tout fait ça, puis tu te dis, hey, j'ai quand même envie de trucs un peu boboche, pas trop crédible, un peu mal fait. Ben il y en a en Inde, puis c'est sur Netflix, puis ça vaut la peine, c'est drôle. Dar, Dar. Puis après ça, vous devriez trouver le reste. C'est vraiment drôle parce que c'est vraiment un produit indien total. Et ils disent c'est une actrice top modèle très connue en Inde qui reçoit des gens pour écouter leurs confessions. Mais elle est là comme 4 secondes au début du show, puis 4 secondes à la fin du show. Elle fait quelque chose, genre elle trie un livre ou elle est en train de se moucher. Puis il y a quelqu'un qui arrive à côté d'elle, puis il fait « Hey, je dois te raconter ceci et cela. Je dois te raconter ceci. » Puis elle fait « Ah, OK. » Puis elle s'assied, puis elle écoute, puis l'histoire part. Fait que l'actrice sert fuck all à rien, mais toute la publicité tourne autour du fait qu'elle est dans l'émission. Fait que sûrement que c'est vraiment une grande top modèle en Inde. Les épisodes, par contre, ne sont pas entrecoupés de la vraie personne qui fait le témoignage. Tu sais, souvent, c'est ça les dossiers mystères. T'as la vraie personne qui dit, puis après ça, tu vois comme une mise en contexte, une mise en situation. Mais c'est pas le cas. T'as vraiment juste comme un épisode d'à peu près une vingtaine, des fois jusqu'à 40 minutes. Fait que t'as des affaires de fantômes, des esprits, des possessions, mais à saveur indienne. Fait que si vous avez écœuré les dossiers mystères québécois canadiens, il y en a saveur indienne sur Netflix, c'est drôle, c'est le fun, pis ça passe le temps. C'est ça. Bon, c'est bon à savoir. Non, mais hein, ce soir, vous allez avoir du stock en sortant de cet épisode. Ah, c'est clair. Non, mais il y a un gros regain pour ces affaires-là. Ah, je Là, sais. il y a des tapes, là, tout le monde, genre, tripe sur ces affaires-là. Les dossiers mystères, les cold case, les trucs criminels. Tu sais, comme, ça fait 20 ans que CSI essaie d'être populaire, mais c'est cette année que ça commence. Oui. Mais CSI, c'est de la fiction. Hein. Les gens aiment les true crime stories, puis tout ça, Oui! c'est ça qui est très populaire. Avec Serial, il y a quelques années, en podcast, puis c'est ça. Exactement. Puis ça a un feeling true crimes, mais tu le vois bien, là, c'est pas true, là. Mais ça a un feeling true crimes pareil. Ouais. C'est drôle. Fait que c'est comme une espèce de faux true crimes. False Ah, true j'étais un gros fan de Dossier Mystère quand j'étais jeune, mais j'ai jamais réessayé en fait de les écouter les vieux avec. Sur Netflix, c'est les vieux en anglais, mais ceux qu'on avait avec Jean Coutu au Québec, là, c'était. crimes. Ouais. Je pense que ceux-là américains ont mieux vieilli, d'après moi, que ceux-là de Jean Coutu, là. Ben, ceux que j'ai écoutés, on avait quand même des versions. On avait quand même. C'était un mix, c'était des cas québécois puis des cas de la version américaine aussi. Les Ah, voix un petit cute, vraiment le fun. Les dossiers mystères québécois sont tous tournés en Estrie, puis c'est toutes mes amies qui sont dedans. Fait que moi, j'en pognais un au hasard, genre, puis là, je fais « Hey, c'est elle! » Puis là, comme pas longtemps plus tard, je la sers au resto, puis je suis comme « Je t'ai tellement vu en fantôme dans tel épisode de 96! » Ça a tout été tourné en Estrie, puis c'est toutes mes amies. Parce qu'il y a comme un gros programme de théâtre en parallèle là, à Sherbrooke, là, Double Signe. Fait que quand il venait en Estrie, il faisait comme 3 fins de semaine d'affilée intense. Fait qu'il allait au Double Signe puis il disait qui est disponible. Puis moi, ça, une fois, ça a presque à donner. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais il y avait full le monde qui le faisait puis faisait du théâtre avec moi dans le temps. Fait que je reconnais tout, ça me fait rire. C'est comme « Ah! Tiens, Marie-Hélène est possédée! » J'ai eu beaucoup d'affection pour le dossier mystère. Hey Steven. Ben, c'est drôle, mais moi j'ai vraiment hâte à. C'est pas des cas véridiques, mais la nouvelle mouture de Twilight Zone qui s'en revient avec Jordan Peele comme animateur. Ouais. Je trouve que ça va être vraiment très bonne annonce au Super Bowl. Malheureusement, on pourra pas l'écouter ici. Ça sera pas diffusé sur les chaînes, ça fait un petit peu chier, mais j'ai quand même très hâte de voir ça. Pourquoi? C'est diffusé où? C'est diffusé sur... Oh my god. J'ai oublié, mais c'est vraiment juste un channel américain, fait que, ça sera pas diffusé au Canada. Là. Fait okay. Que va peut-être falloir attendre qu'une chaîne achète les droits ou... I guess que logiquement, ça devrait jouer... Ah, c'est difficile à dire. Tu sais, il me semble que je verrais ça jouer à AMC ou... Ah, c'est CBS All Access. Okay. C'est eux autres qui présentent Star Trek. Mais je pense qu'ils présentent des trucs sur Crave aussi. Il faut que je revérifie. Ah, c'est à moins que ce soit peut-être Crave qui aurait les droits. Ouais. Je pense que Crave présente Star Trek Discovery. Il faudrait que je vérifie. Là, mais c'est quel autre aussi qui va être sur CBS? Non, je ne sais plus. En tout cas, peu importe. Parce que là, t'as comme une bataille de plusieurs plateformes qui essaient d'avoir leur propre truc. Là, t'sais, t'as comme Amazon Prime qui tente de plus en plus d'avoir des séries. T'sais, là, durant le Super Bowl, ils avaient annoncé que leur télésérie Anna, adaptée du film qu'il y avait eu il y a une couple d'années, le premier épisode serait diffusé directement sur Prime après, puis que le restant jouerait comme en mars ou quelque chose comme ça. Mais... Hey, puis je sais pas si vous avez une chance de regarder, mais ça a l'air qu'Amazon Prime est en grosse, grosse réduction en plus ces temps-ci. Ben, je suis déjà abonné. Je suis déjà abonné aussi. Pas moi. J'ai des abonnements d'un an. Fait que, tu sais. Oui, paraît que c'est genre 25-30$ pour un an. Ah, ouais, ok, ouais, c'est pas cher. Moi, je ne suis pas. D'habitude, c'est à peu près 65$, justement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est cool. Mais ouais, ça fait beaucoup de trucs à s'abonner. Mais tu vois, je vois un. Texte de. T'as pas c'est quelle date ça? C'est juin 2018. Ça dit que c'est City TV au Canada qui ont pogné Twilight Zone. Ah, ben là. Ah, pour vrai, ok, nice. Hey, non. J'ai un blanc. Excusez. Mais tu veux-tu parler de quelque chose, Steven? Bon, ben, je vais parler vite d'un petit dernier truc. Après ça, j'ai plus vraiment rien, mais. J'ai débuté mon année 2019 avec un premier truc horrifique. Souvent, j'aime ça essayer de bien choisir ça va être quoi mon premier véritable film d'horreur de 2019, puis souvent, ça part mal. Là, ça compte plus ou moins vu que c'est une série, mais j'ai écouté Kingdom sur Netflix. C'est seulement 6 épisodes. C'est une série coréenne. Ça a commencé à faire jaser un petit peu de plus en plus. Parce que on se le cachera pas, les trucs de zombies, ça venait tout le temps saturé, mais il y a tout le temps de quoi un film ou j'allais dire une série, mais un peu moins avec Walking Dead, mais il y a tout le temps un film qui arrive, puis il arrive à prendre le genre, puis à y donner pareil un nouveau souffle. T'sais, on a eu The Girl with All the Gifts, puis The Nation. Ouais, je l'ai pas écouté ça. Mais il y avait aussi The Cure que j'ai pas pu que j'ai pas encore vu avec l'actrice de Juno, j'ai oublié son nom. Ah, je l'ai pas vu moi non plus. C'est un qui semble intéressant. Qu'est-ce que tu as dit, Jeff? Ellen Page. Ellen Page, c'est ça. Puis Kingdom, je pense sa grande force, c'est le fait que c'est avant tout une série qui se déroule. J'ai pas l'époque exacte, mais c'est un peu le Moyen Âge dans la contrée de la Corée. Fait que, tu sais, c'est vraiment un drame historique. bon, ça se déroule dans un royaume. Puis le roi du royaume, il est comme malade, puis gardé caché. Puis la population, les gens peuvent juste plus le voir, puis ils savent pas trop exactement qu'est-ce qu'il y a. Puis même le prince héritier du roi peut pas le voir. Mais c'est une espèce de grosse conspiration qui est menée par quelqu'un du royaume qui veut tenter de déjouer tout ça, puis d'empêcher le prince héritier de devenir le prochain grand roi. Et le roi en tant que tel, c'est pas qu'il est malade, c'est qu'il a été infecté, puis il est devenu un zombie, puis il est resté attaché à son lit. Puis les personnes qui sont à la base de cette conspiration-là vont tenter de tirer avantage de ça pour déjouer les principes et aller dans la corruption, ce qui va entraîner aussi beaucoup de mauvaises choses au peuple qui sont déjà pauvres, qui n'ont pas de nourriture, fait que le peuple va très mal, la nation va très mal, puis ils vont tenter de mettre ça sur le dos du jeune prince héritier. Et le prince héritier va se rendre compte un peu que ça est en train de tourner en bordel. Il va commencer à faire sa petite enquête, puis essayer de gagner la confiance du peuple, puis prouver qu'il n'y a rien à voir dans tout ça. Fait que t'as vraiment un film, t'as vraiment une série, une intrigue vraiment historique, typique de la Corée, mais bien ficelée. Mais le mélange au genre horrifique zombie se fait crissement bien, dans le sens que c'est pas juste là pour rajouter de l'horreur, puis ça te lâche. L'aspect horrifique zombie est vraiment intégré au récit. Ça va faire avancer l'histoire de corruption et tout ça. Fait que l'horreur est vraiment une utilité. Fait que t'as vraiment une espèce de cohésion entre les deux. Ça s'entremêle vraiment bien. C'est bien écrit. Les costumes sont vraiment excellents. T'sais, la reproduction de l'époque, c'est une série qui a quand même eu beaucoup de budget. C'est quelque chose comme, je pense que c'est 1,5 million par épisode. Fait, ils ont quand même popé de budget pour les 6 épisodes. C'est réalisé par un gars qui avait fait un trailer qui s'appelle A Hard Day, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu au Fantasia. Fait, t'sais, c'est quelqu'un qui était déjà compétent. Fait que je te dirais que mon gros reproche, c'est que 6 épisodes, c'est très court et il faut attendre à peu près au 3e épisode avant de situer un peu les personnages puis de finir par s'attacher. À partir du 3e épisode, j'ai commencé vraiment à m'attacher au prince, à ses collègues, à tous les autres personnages. Tu commences à connaître un peu leurs principes, leur personnalité, qu'est-ce qu'il fait là. Fait que à peine tu commences à t'attacher que la série est sur le bord de se terminer. Fait que je pense que c'est son plus gros reproche. Mais en dehors de tout ça, un coup, t'embarques à fond. Puis les moments de zombies sont vraiment efficaces. Un peu à la Train to Busan, dans le sens que c'est des zombies très hystériques, ça court. Puis c'est vraiment stressant dans les moments de danger, parce que c'est souvent des foules, il y en a des tonnes. Puis j'aime beaucoup l'origine de tout ça, comment c'est intégré, que les zombies se réveillent seulement la nuit, puis le jour, c'est juste des cadavres qui traînent. Fait qu'ils essaient de trouver un moyen de les enterrer le plus profond dans terre pour en espérant qu'ils puissent pas sortir, de trouver un moyen de s'en débarrasser. Fait que c'est vraiment une série divertissante, prometteuse. J'ai beaucoup aimé ça. Puis la finale du dernier épisode annonce une saison 2 vraiment épique qui apparemment est déjà tournée. Fait que d'après moi, ça devrait pas débarquer super longtemps sur Netflix, mais fuck, très bonne série. Fait que je vous le recommande fortement si vous êtes amateur de trucs historiques, de complots, drames, mélangé avec de l'horreur, je trouve que ça donne une petite bouffée de fraîcheur au genre, puis c'est vraiment bien maîtrisé. Pour une première saison, j'ai vraiment été vendu. Nice, ben tu viens de m'en vendre, moi, en tout cas. 6 épisodes, c'est cool. Fait que tu sais, ça se dévore assez rapidement, là. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. C'était au tour à qui? Toi, on veut des livres! On va en avoir deux très rapides. Ok! J'ai lu un livre que j'avais reçu par le biais de Sébastien. Les studios nous avaient envoyé Boy Erased. Je l'ai lu en français. Il l'avait envoyé en français. Garçon effacé. Le film de Joël Edgerton. Fait que... J'ai vu qu'il était sorti en Blu-ray, mais j'ai vu qu'il était sorti et que c'était réalisé par Joël, puis j'étais comme, ok, je suis vraiment intéressé. Hein. ouais, le film en vedette Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe. Puis il y a Xavier Dolan aussi là-dedans. Mais là, je parle du livre. Le livre, c'est une histoire vraie. L'auteur s'appelle Garard Conley, puis... dans le fond, c'est un jeune homme au début des années 2000 qui est un jeune homme gay qui vit dans une famille très, très ultra-religieuse. C'est Des baptistes ultra-conservateurs, ce sont des baptistes. Puis, dans le fond, ses parents vont décider de l'amener dans un groupe de thérapie anti-gay, là, t'sais, ex-gay, pour essayer de le convertir. Fait que lui, il raconte ça, il raconte ses souvenirs de manière un peu décousue. Le livre, je l'ai bien aimé, j'ai quand même trouvé ça intéressant pour différentes raisons. Entre autres, que je trouvais que ça nous amenait de l'autre côté du miroir, un peu, ça nous amenait de l'autre. Une autre vision, c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans cette mentalité-là avec les enseignements de Jésus et tout ça, puis de se faire rentrer ça dans la tête. Puis lui, ben, pour lui, c'est normal. Fait qu'il en parle de manière tout à fait normale. Puis tu vois des trucs de des choses de son point de vue, puis c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Mais sinon, comme je disais, il écrivait un peu de manière décousue, c'est que des fois, il va. Dans ses souvenirs, il fait genre 3 pas en arrière pour faire 2 pas en avant, pour après ça faire 10 pas en arrière pour faire 5 pas en avant. C'est comme, faut vraiment que tu suives, là. Parce qu'il dit pas en quelle année qu'il est ou en quel mois qu'il est. Fait qu'il faut que tu suives, là. Mais ça, si tu suis, ça se lit bien quand même. C'est correct. Mais au début, ça prend par surprise. Puis, je l'ai trouvé touchant. Je l'ai trouvé quand même touchant dans sa relation avec ses parents parce que c'est une relation, c'est une histoire vraiment d'un fils qui aime ses parents malgré tout. Malgré tout ce qui se passe, il adore ses parents, puis il veut pas les décevoir, il veut pas leur faire du mal, puis tout. Puis en bout de ligne, c'est vraiment juste ça, c'est vraiment ça l'essentiel du livre, c'est que c'est un fils qui veut pas faire de mal à ses parents. Fait que j'ai trouvé ça super touchant à ce niveau-là. Puis il y a une couple de pages vers la fin qui m'ont fait brailler, là, puis sa relation avec son père vient vraiment me chercher, là, fait que. T'as pas vu le film encore d'adaptation? Pas encore. Je sais qu'ils ont changé beaucoup de détails. J'ai vu le trailer, j'ai vu la bande-annonce. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Puis j'ai lu des affaires qui disaient que c'était différent. Là, fait que... Mais globalement, c'est bien, il est bien reçu, le film? Ouais, je pense que oui. Je pense. Ben, tu sais, je sais que vous en avez parlé dans votre rétrospective. Vous avez parlé d'un. Je sais pas, sur séance, je vais dire les choses dans l'ordre. Il y a Jean-François qui a parlé d'un film, d'une. Ben, c'est de. Oui, avec. Miseducation of Cameron Poe, je pense. Ouais. Qui raconte un peu l'histoire à l'inverse d'une fille qui se fait envoyer dans un Jesus camp. Puis je pense que dans cet épisode-là, c'était votre rétrospective. Puis je pense que c'est Marc-Antoine qui dit qu'il a préféré The Miseducation of Cameron Poe à Boy Erased. Il a OK, préféré l'autre film. Dans le fond, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que je sais pas. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le verdict des gens à propos de Boy Erased en général. L'autre livre, en fait, Boy Erased, j'ai mis sur l'application Goodreads, qui est un genre de réseau social pour les lecteurs, j'ai mis genre 3 ou 4 étoiles. J'ai quand même bien aimé, mais je pense que j'ai mis 4 étoiles sur 5. Il y en a un que j'ai mis 5 étoiles. J'ai lu tout de suite après, je pense. Puis j'ai mis 5 étoiles. Puis s'il avait été trop, 2 fois, 3 fois plus long, j'aurais adoré, là. C'est Darlene, de Noémie Leclerc. Je sais pas si je le montre comme ça. Faut que je voie ma caméra. Mais Darlene, ben, ça vous dit peut-être de quoi? C'est aussi le titre de l'album de Hubert Lenoir qui est sorti l'année C'est passée. Ça, j'allais dire, on dirait Hubert Lenoir. C'est un concept. C'est sa blonde? Oui, c'est sa blonde. Noémie, c'est sa blonde. Fait que c'est ça, Noémie Leclerc, c'est Marc. OK, on le voit ici. Dans le fond, c'est un tout petit roman, c'est son premier, elle a 21 ans, l'auteur. Puis c'est quasiment autobiographique aussi, là. C'est l'histoire de Darlene qui a 20 ans, qui vit à Québec, près des chutes de Montmorency. Puis que c'est son petit quotidien, sa petite vie avec sa famille, tout ça. Puis à un moment donné, elle tombe amoureuse d'un Américain. Et c'est ça, c'est la poésie du quotidien. C'est comment est-ce qu'un livre peut t'amener à avoir envie d'aller manger au Normandin, puis d'aller visiter la petite ville où se caresse, puis tout. C'est beau, c'est touchant, c'est drôle. Dès les premiers paragraphes, j'étais déjà accroché. Son écriture est tellement belle. Puis elle fait des tournures de phrases des fois qui sont incroyables. Puis tu sais, Darlene, son personnage, puis Noémie, l'auteur, ils ont une façon de voir le monde que juste quelqu'un de 21 ans a. Tu sais, c'est une façon de. T'as une opinion sur tout, t'as une opinion sur les gens plus vieux que toi, puis tout, mais t'as pas vécu vraiment, t'es à peine un adulte, mais t'as une opinion sur. En tout cas, il y a vraiment un langage que ça me rappelle le début de la vingtaine, puis je trouve ça charmant, puis. Je sais pas, il y a des trucs vraiment le fun là-dedans. Il y a des soupers de famille avec sa famille, puis tu vois en entrevue, je lis en entrevue Noémie Leclerc, l'auteur, puis elle dit carrément que c'est vraiment sa famille, puis elle cache pas que c'est des vraies personnes. Puis les dialogues sont écrits comme des pièces de théâtre. Tu arrives dans ce chapitre-là, tu as une présentation, elle décrit un peu comment ça se passe, elle décrit la scène un peu, puis après ça, bang, tu rentres dans le dialogue, puis c'est décrit, tu sais, les noms des personnages, un peu comme, pareil comme une pièce de théâtre, puis c'est tordant, puis tu reconnais des... Tu reconnais ta famille là-dedans, puis... Ah, j'ai adoré, puis je vais vouloir leur lire un jour, puis n'importe quoi qu'elle va écrire, Noémie Leclerc, je vais sauter dessus de suite, je suis un fan. J'aimais beaucoup Hubert Lenoir, j'aimais beaucoup son album, je l'aime encore beaucoup, puis j'en ai rien à calisser des haters, parce que en ce moment, c'est l'affaire cool, tu sais, c'est quelqu'un qui veut se passer cool, ben il déteste Hubert Lenoir, tu sais, tout le monde crache dessus, mais je m'en calisse, il fait de la très bonne musique. Ta présentation a été partagée combien de fois? De quoi? Mon statut pro-Hubert Lenoir a été partagé combien de fois? Mais tu regardes les articles en ce moment, parce qu'il fait un... Il y a un certain succès en France, puis tu regardes les articles, tu lis les commentaires en dessous, puis les gens sont comme, ils peuvent le garder, c'est un style de fucké, puis c'est ben, ça. Safia Nolin, il y a un article de la presse, comme quoi, perce en France, puis je ne veux pas aller lire les commentaires. Non. Nul les prophètes, tu sais. Je voulais juste dire que c'est ça, tu sais, oui, il y a un lien entre les deux. C'est plus thématique que vraiment précis, là, le lien entre les deux œuvres. Oui, il y a des chansons qui s'appellent Ton hôtel, puis oui, on parle d'un hôtel dans le roman, puis il y a une pièce qui s'appelle Momo pour Montmorency, le coin se caresse. Puis... Mais c'est pas. Si tu lis les paroles de Darlene, puis t'écoutes l'album, tu feras pas vraiment nécessairement de lien avec le roman. Là, c'est pas, ils peuvent vivre tous les deux très bien ensemble, séparément les deux œuvres. C'est plus thématique, le truc. Mais non, je trouve ça intéressant qu'ils aient fait ça quand même. Qu'ils aient fait un... C'est quand même cool, ce genre de concept-là. Oui. Ouais. Puis, non, c'est ça. Je recommande fortement. Ça se lit très bien. C'est même pas, je pense, c'est 250 pages. C'est pas long. Puis c'est ça. C'est une jeune auteure québécoise que je trouve qui mérite d'être encouragée. Je trouve qu'elle a une écriture incroyable. Super. Vraiment très belle et originale. Puis c'est ça. Je tombe en amour. Ouais. Bien, moi, les amis, j'ai rien d'autre en tout cas. Là. Fait que je sais pas si dans votre cas, vous avez d'autres choses à parler, si vous êtes. Non, moi, ça va être beau. Il faudrait que j'aille me coucher. Moi, j'ai rien d'important. En fait, j'aime vraiment rien d'important. Je trouve que c'est tellement de la discussion pour la discussion. C'est génial. Fait que je serais un peu portée à clore ça. Je sais pas pour vous autres, parce que c'est quand même. C'est une bonne idée, ça. Minuit, là. Ouais. Ouais, ça va être l'heure d'aller s'endormir devant un petit film tranquille. T'écoutes quoi? J'essaie de finir ce que Sam m'a envoyé en cadeau. Scorpion, la voix Scorpion! Non, un autre. Je sais pas, c'est quoi là. Ouais, ben j'en parle pas tout de suite. J'ai le gars pour un autre épisode. Je pensais réussir à l'écouter pour en parler ici, mais je rush à le finir. Ben moi, je rush à finir Freak Show. American Horror Story Freak Show, là. Et je suis tellement contente que tu me l'aies acheté pour comprendre, tu sais, c'était quoi le faux buzz, puis je le comprends totalement. Hey, ils l'ont chié, cette saison-là, ouais. Là, mais ils l'ont chié, ben, là. Je pense que j'avais écouté 2 ou 3 épisodes, j'ai fait, non, oublie ça. Et c'est pire, rendu au 8e. Sincèrement, ça m'a comme inspiré, genre, ça serait cool, parce que moi, j'aime beaucoup cette série-là. Puis, tu sais, faire comme un top 10 des meilleures saisons, puis c'est sûr qu'elle se retrouve dans les pires. C'est épouvantable, c'est terrible. Merci, Steven, dans ton cadeau. Bon, je sais pas qui l'a mis dans ta liste. Hein. Je sais, mais je suis vraiment contente d'avoir choisi ça, parce que je vais pouvoir réexplorer à quel point c'est quoi la mauvaise écriture de série télé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs dans cette saison-là qui prouve c'est quoi une mauvaise écriture de série télé. Je pense que c'est rendu là que Ryan Murphy, c'est comme il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi, puis je sais pas, il pouvait écrire n'importe quoi. C'était rendu trop big, là, puis... Mais je sais pas s'il a continué à écrire aussi mauvais, là, tu sais, avec les autres. Je sais pas. Mais tu sais, mettons, je pense, de mémoire, là, la saison fait genre 12 épisodes, puis à l'épisode 9, ils introduisent un nouveau personnage avec un nouvel arc narratif parce qu'ils savent pas tout comment finir ça. C'est épouvantable. T'es comme, mais je m'en crisse de lui. Ça fait 8 épisodes, j'en suis d'autres. Lui, je m'en crisse. Oh, c'est Mais mauvais. ça, je pense qu'on pourrait dire ça quasiment de toutes les saisons de cette série-là. Parce que celle que j'ai vue, il y a un petit côté qu'on ne sait pas trop. On a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qui s'en va tout au long de la saison, je pense. À chaque saison, on dirait que quand il commence, il ne sait pas vraiment ça va être quoi la fin. Il fait comme bifurquer dans toutes sortes de directions. Puis à un moment Ouais, donné, il se décide de. ben, c'est-tu juste Ouais. le but d'essayer de déjouer Peut-être, le peut-être. spectateur jusqu'à la fin, t'sais, d'avoir un peu. Parce que tu sais, quand tu écoutes la saison 1, Crime, ça, au début, tu es un peu perdu à savoir où c'est que ça s'en va réellement, puis tu t'attends pas vraiment au dernier épisode, là. Fait que, en même temps, je pense que ça fait partie un peu du concept, mais Mais j'ai. votre hypothèse est intéressante, mais j'ai envie d'en lancer une autre. Vu qu'il va par thème, est-ce qu'il y aurait juste envie de tout dire ce qu'il y a sur un thème? Et, tu sais, comme, mettons, Freak Show, je veux dire tout ce que je pense. Tu sais, un brainstorm, mais qui n'a pas enlevé d'éléments. Oui, mais comme dans la troisième saison, il met tout ce qu'il connaît sur les sorcières, puis C'est ça. C'est mon feeling de Freak Show. Puis, mon feeling aussi, c'est, hey, il y a telle actrice qui revient dans 2 saisons, mais je ne l'ai pas exploitée pour cette saison-là. Faut que j'aille la chercher. Je vais la mettre dans tel personnage. T'sais. Puis, je suis comme, ouais, mais peut-être qu'elle figurait pas dans ta saison. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait que, non, c'est épouvantable comme saison Freak Show d'American Horror Story, là. Mais je vais la finir. Éventuellement. Je l'ai commencé en décembre. Éventuellement, je vais la finir. Bon, au moins, c'est ce qui est ça. Entre Noël et la Saint-Valentin. Non. Moi, je ne vais pas finir pour Saint-Valentin. Entre Noël et Pâques. OK. D'ici Pâques, je finis Freak Show. Bon, au moins, t'as un but. Défi accepté. Ah, je n'aime pas encore écouter le cadeau comique que Seb m'a fait. C'est Death Race 4 ou 5, je pense. Good luck. C'est ça? Oui, C'est oui. tellement ton genre, en plus, Jean-François. Tout ce que j'ai vu de Death Race, c'est genre le vieux film de Roger Corman des années 70, là. Mais Ok, t'as vu le remake? j'ai pas vu le remake avec, voyons, comment il s'appelle? Jason Statham. Notre-Dame. Puis, Mais Stallone, Detroit, ouais, c'est avec c'est ça. Stallone. Puis Carradine, je pense. Ouais. C'est malaisant comme film. Oui. Ok. J'allais J'ai juste savoir. voulu. Mais non, j'ai pas vu. Tu sais, on en parlait, moi, puis Seb, quand il me l'a donné, puis j'ai fait. Tu sais, on a fait. Ça serait quasiment drôle que je voie cette suite-là sans avoir vu les autres. Tu sais, voir. Je donne mon opinion, j'essaie de comprendre de quoi, tu sais, Ben, c'est vrai que ça serait drôle. Honnêtement, Moi, là, voici la critique cette semaine de GF Dead Race 4 ou 5, alors ça va que j'ai venir un dans un bien autre. épisode. Ça va venir, c'est sûr. Il faut que j'écoute les Yay! affamés aussi, mais là, j'ai gagné Ouais. notre petit concours. Fait qu'il faudrait que L'as-tu j'écoute. Bon, oui. J'avais été le chercher chez eux. Le pire, c'est psychologique, mais j'ai peur de toucher au disque parce qu'il y avait à gastro toute la famille chez reçu? Seb. Quand j'ai. Il était pas là, il était absent, puis il me l'avait laissé dans la boîte à mal, dans un sac de plastique. Puis j'ai quasiment pris le sac de plastique du bout des doigts. J'étais comme. JF, ça meurt, hein? Des microbes, ça meurt. Merci, C'est au pire, prends du Purel, puis pchut, pchut, là. C'est pas que le Purel a la même propriété que Purel. Ah ouais, pchut, pchut. Hey, sur la réglé. pochette en carton, sur l'autographe de Robin. Voilà, mis ça, au pire, ça détruit tout. Ah ouais, mon JF, conclusion. Ben, conclusion, cet Quoi? épisode On est peut pas comprendre terminé. ça détruit tout? Cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté cette aventure zigzagueuse et imprévisible et complètement what the fuck ce soir. Et on espère que vous avez pareil apprécié. On risque d'être un peu plus consistant dans les prochains épisodes avec Seb qui va être présent. C'est genre génial comme conclusion. Pourquoi est-ce que tu comptes sur JF pour la faire? Ben, C'est c'est genre ça. Et n'oubliez pas de garder ça fun. Perfect. JF, c'est un audio. Ah, mais on Personne avait. ne comprend l'image. Ouais, mais il l'a dit, fait Ah. que c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Il a dit, Derrière n'oubliez pas le de garder lien, ça le ça a dû fun. sonner. Mais, OK, c'est terminé. Bon, c'est beau. Fini. Gardez ça fun. anything at all, anything at all. You can feel it. Happy, sad, big or very small, anything at all, it's fine. It's you who's doing the feeling, and that makes it okay. And if you don't know who you are yet, you can feel it anyway. Imaka ala noka haule okaniu. That means watch out for falling coconuts. Isn't growing up funny?